question. Pas là, autant que les ceux qui sont derrière puissent être annoncés. Oui, oui, je voulais demander en ce qui concerne le dimanche. Oui. Le service, c'est-à-dire que le culte. Oui. En ce qui concerne le culte, est-ce que c'est le dimanche oui. qu'il faut servir le Seigneur? Oui. C'est bon. Où c'est quand? Bonne question. Où quel jour? Où quel jour? Voilà. Et deuxièmement, est-ce que effectivement le jour où le Seigneur a été ressuscité, est-ce que c'est effectivement le dimanche? Le dimanche. Bonne question. Et le jour de repos également, puisque Dieu dit que on doit travailler 6 jours et se reposer. Le 7e jour. Alors commençons par ici. Le 7e jour, c'est quand de la semaine? Ok. Depuis quand tu es dans ces ministères, mon cher, toi, tu as posé la question? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Tu connais exactement le 7e jour, non? Si, je connais. Donc, tu savais que depuis que tu es 3 ans que tu es ici, tu savais que le 7e jour, c'est dimanche, c'est samedi? C'est samedi. Et tu lisais la Bible, tu as suivi comment Dieu a dit que tu travailleras 6 jours, le 7e jour, c'est le jour de repos. Mmh. Et tu prends ça comme commandement. Pourquoi tu n'as pas obéi depuis 3 ans? Puisque tu as dit que tu sais effectivement que c'est écrit que tu travailleras 6 jours, le 7e jour tu vas le consacrer à Dieu. Et tu es d'accord avec moi que le 7e jour c'est pas dimanche, c'est samedi. Pourquoi donc depuis 3 ans tu es dans la désobéissance selon ce commandement? On s'est dit que le dimanche là, maintenant on se dit on le repos. Bon, il a dit que c'était le dimanche. Le commandement là dit que c'est le dimanche. Que c'est quand? Le 7e jour. Le 7e jour c'est quand? Samedi. Donc, ça veut dire que vous êtes tous à la désobéissance en venant dimanche, alors, pas vrai? Hein, mon cher? C'est pas ça, hein? C'est vrai. Le 7e jour, c'est samedi. Mm-hmm. Oui. Le 7e jour de la semaine, c'est samedi. Mais quand vous allez à l'école, on dit qu'en 7 jours, c'est le premier jour de la semaine, non? Oui. Uh-huh. Le, il peut me savoir que c'est le premier jour. Le lundi, c'est le premier jour. Non, le premier jour, c'est pas le lundi. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Tout le monde, sans exception, connaît ça. Bon. Sur ce rapport-là, vous avez tort d'après le commandement de Dieu, non? Oui. Dans ce cas, les abattis du 7e jour ont raison, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? C'est ça ou c'est pas ça? Puisque eux, comment vous doutez encore? Si on part sur cette base-là, tu as tort, non? Oui. Ils ont raison, non? Oui, oui, tu parles, tu veux dire quoi? Non, on est plus le repos, c'est-à-dire que c'est le jour où l'homme se repose de son activité. Non, est-ce que l'homme qui descend, est-ce qu'il décide de se reposer de son activité? C'est Dieu qui ordonne quand il va se reposer, non? Oui, c'est Dieu. Lui, il a dit que c'est quand? Il a dit que c'est samedi. Ok, alors, entre toi donc, et les 7e, les archives, c'est Dieu qui a raison. Non, pardon. Hein? Non, mais comment tu cours encore? Attends, allons-y doucement. Alors, allons-y. Dieu a dit qu'on se repose ou on ne se repose pas? On va se reposer. Quand? Samedi. Alors, toi, tu reposes quand? Je me repose peut-être dimanche. Comment tu dis peut-être? On est ici la première chose. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Hier, tu t'es reposé. Attendez, simple, attendez. Hier, tu t'es reposé. Non. Donc, tu as travaillé le jour du repos de Dieu. Tu as des épées. Donc, nous sommes d'accord que les aventures du 7e jour peuvent te condamner, non? Oui. Si on dit, je me repose. Non, comment tu tournes? C'est parce que c'est soit. Nous sommes le premier jour de la semaine. Il y a un verset qui dit que le premier jour de la semaine, qu'on se repose. Non. Alors, mais là, on a dit que c'est quoi le 7e? Entre toi et les artistes, c'est un jour. Qui a raison? Les adventistes. Bon, ce qu'on va faire maintenant, désormais, chercher dans une église des adventistes, c'est un jour, on y va là-bas. Parce qu'ils ont rien. C'est pas ça, frère. Comment tu me regardes, tu vas tuer? Hein? Non, je ne pense pas. Le problème, c'est que. Attends, donc ils ont tort. Ils ont, je vais te pousser à bout parce que tu comprends là où ils veulent venir. Ils ont tort ou ils ont raison? Non, dans ce sens, ils ont tort. Dans quel sens? Dans le sens où il faut aller les joindre, ça veut dire non. Qu'ils ont tort. Non, mais ils n'ont pas tort. Je dis, pour obéir la parole, le but de notre vie, c'est obéir la parole de Dieu, non? Dieu dit qu'on se repose. Oui. Le 7e jour. Est-ce qu'ils obéissent à ça? Oui. Oui, le 7e jour, oui. Est-ce que toi tu obéis? Non. Donc nous, on doit rejoindre les obéis. Ça, ça. Nous sommes d'accord. Oui. Donc ça veut dire que samedi prochain, on fait culte chez eux. Non. Non, il faudra seulement tout simplement. On connaît comment instaurer maintenant que samedi alors? Non, pas que samedi. Ah, on fait comment? Qu'on accepte le septième jour. Que le septième. Quand on accepte, on accepte, on ne peut pas accepter que c'est le septième jour. Puis on continue après dimanche. Quand tu acceptes, il faut mettre en plat. Donc ça veut dire que désormais, déjà, vous avez dit que la place sera enlevée. Maintenant, ça veut dire qu'il faut que tu parles au pasteur, donc à la porte maintenant que désormais vous faites plus samedi, c'est ça? On va jusque là. Jusque là, il comprend que quelque chose n'est pas. Mais ce qui là, c'est qu'il ne sait pas ce qui n'y va. Amen. Donc il y a des enseignants, les circonstances de mes enseignants, il y a des enseignants conseignants là. Parce que quand vous allez prendre n'importe quel groupe qui soutient une doctrine, toutes les doctrines qu'ils vont soutenir vont sortir de la Bible. La question maintenant, ce sera de dire si oui ou non, ce qu'ils sont en train de dire, c'est ce que la Bible est en train de dire. Comme on l'a dit aujourd'hui là, une des choses c'est de lire, l'autre chose c'est de dire ce que ça dit. D'accord? Tu vois, quand tu as l'ambiguïté. Oh, les abattis, c'est un jour, vont prendre Daniel chapitre 11 et Daniel chapitre 10, qu'ils espéraient changer les temps et les lois. Ils vont parler en disant qu'il y a le sabbat, même au ciel, même dans la jardin, il y avait le sabbat. C'est autre chose d'abord qu'on peut démonter cela. J'ai fait l'enseignement par rapport à cela. Le titre de l'enseignement, c'est le chrétien et le sabbat. De la même façon, comme j'ai fait le chrétien et face à la dîme, ainsi de suite. Donc, la question maintenant, c'est est-ce que le chrétien, l'adoration du Seigneur, c'est le dimanche? Si c'est non, quel jour qu'on répond? Il faut que là, maintenant, on nous le partage, maintenant, on puisse répondre ça. Et ça, ce n'est pas la pensée. L'écriture qui doit devoir rire. Parce qu'une question biblique, toute question biblique a une réponse biblique. Ok, maintenant, je pose la question. C'est quoi le Shabbat? Shabbat, ce qu'on appelle Sabbat. Shabbat, ça veut dire quoi? Ça veut dire repos. C'est ce que ça veut dire, repos. Shabbat, ça veut dire repos, le jour du repos. Maintenant, je vais prendre en parallèle avec ce que les abattis, c'est un jour, puis que c'est eux qui défendent cette doctrine. Lorsqu'ils prennent la Bible, ils prennent l'histoire de l'Église catholique, ils disent que c'est l'Église catholique qui a fait cela avec les édits des, je crois, c'est des 313, en faisant toutes ces choses, en changeant les temps de samedi à dimanche. Après, ils disent maintenant que dimanche, c'est Sunday, parce qu'en anglais, ça veut dire Sunday, donc le jour du soleil. Donc, ça veut dire que Sunday, ça veut dire le jour du soleil. Donc, si tu adores Dieu le dimanche, tu es en train d'adorer le Dieu soleil. Vous avez vu mercredi, non? Mercredi, c'est Miércoles. Ça veut dire que le jour du Mercure. Jeudi, c'est le jour de Jupiter. Vendredi, c'est pour Vénus. Samedi, c'est Saturne. Donc, tout fuit, il n'y a aucun jour qui n'a pas de nom. Les noms sont nommés à partir des démons planétaires. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lundi, c'est Moon Day. Moon. Le jour de la Lune. Donc, le Dieu Lune qui contrôle les lundis. Mardi, c'est Mars, le jour de Mars, c'est le dieu Mars qui contrôle le mardi. Mercredi, c'est Mercure. Alors, donc, on ne peut pas fuir. Tu comprends là, le problème? Voilà. Maintenant, lorsque Dieu a donné à Israël le commandement, il leur a fait, souvenez-vous que Israël est un type pour montrer à l'homme qu'ils ont besoin d'un sauveur. Pour montrer que même si vous fatiguez n'importe comment, souvenons-vous que vous devez entrer dans le repos. Il y a un moment où vous devez vous. Le repos va venir pour que vous vous reposiez de vos yeux. Mais pour qu'ils entretiennent ça, pour que ça reste longtemps, il faut qu'ils aient un jour, ils vont. C'est les remémorer. Amen. Dieu donne les prescriptions au sujet des Shabbats. Alors, lorsque Dieu donne les prescriptions, il dit car en six jours, Dieu a créé les cieux et la terre et tous les œuvres. De toutes les armées, et il s'en est reposé le septième. C'est pour ça qu'il a béni, il a consacré le septième jour. Et ce septième jour-là, c'est indiscutablement le samedi. Maintenant, les juifs vont continuer à suivre cette tradition-là pour chaque fois, lorsqu'ils s'arrêtent de leurs activités, pour leur montrer que lorsque nous arrêtons, il est temps de penser au Seigneur. Parce qu'il nous a donné l'ordre, nous devons suivre cet ordre-là. Ils vont vécu comme ça jusqu'à ce que le Mashiach fait son entrée. Il fait cette guérison le jour du sabbat. Il dit à quelqu'un le jour du sabbat que lève-toi, prends ton lit, va à la maison. Les gens disent non, ne bouge pas avec ton lit là. Les écritures te prescrivent de ne pas porter le lit le jour du sabbat. Il dit mais celui qui m'a guéri a dit que prends ton lit et va dans ta. Le Seigneur Jésus se tient là-bas. Il dit le Fils de l'homme est maître du sabbat. Vous voyez ce que vous dites? C'est lui qui avait ordonné le sabbat dans le désert. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui leur a donné le sabbat. Et donc, le sabbat, donc, il se tient là-bas dans Matthieu, chapitre 11, vous lisez le verset 27 à 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du sabbat. Donc, Comment vous comprenez, si vous comprenez comme ça, ça veut dire que la question est réglée. Or, la régulation du culte, le temple a été ordonné, on voit effectivement comment on a construit et que Dieu était là-bas, il gardait le temple. Oui. Mais Jésus se tient là-bas, le Samaritain dit que okay, vous dites que c'est à Jérusalem. Non, nous peut dire que c'est sur cette montagne. Il dit que leur Dieu, ce ne serait ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Alors dans ce cas, tous les rituels qu'on fait dans la maison, on fait ça pour qui? Si il dit que leur vient, pour les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Il dit que Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer, l'adorent en esprit. Il dit que leur Dieu, où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne, qu'on adorera le haut. Dans ce cas, qu'advient-il par rapport à l'œuvre qu'il avait donnée, par rapport aux lois qu'il a dit, faites ceci, Aaron va faire comme ça, vous êtes consacré. Il veut dire que cela n'est pas passé. La Bible a utilisé le thème qui était fixé jusqu'à une certaine époque des réformations. Donc c'était temporaire. Galates chapitre 3 nous dit que avant que la foi ne vienne, nous étions gardés sur la houlette de la loi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Parce que ce sont les choses qui étaient longues. Les choses à venir. D'accord? Donc ça veut dire que dans l'Ancien Testament, vous devez savoir ce qui était l'ombre. Et regardez à quoi ça se référait. Donc si le Seigneur Jésus-Christ dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et il dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il faut bien comprendre ce qu'il a envie de dire. Donc l'homme a été fait pour que le sabbat lui soit accordé. Donc même si par nous tu fatigues sur la terre, tu fais n'importe quoi, tu vas conclure comme Salomon, vanité des vanités. Quand vous avez mangé tout à l'heure là, 18h vous allez chercher encore à manger. Oui. Tu travailles, tu finis aujourd'hui, tu as l'argent comme ça. Tu sais effectivement que tu ne tentes pas de continuer encore avec l'argent, l'argent va finir. Oui. Donc tu es obligé de travailler, c'est la routine. Donc c'est fatigue, c'est poursuite des vents. Et par conséquent, Dieu dit qu'on va, il y a un moment où il faut que tout ce système s'arrête. Ou la fatigue, ou n'aura plus de sueur ni de rides. Parce qu'on sort là comme ça, parce qu'on cherche seulement à manger. Oui. Mais lorsqu'on sera dans sa présence là-bas, on n'aura pas besoin de sueur. C'est pour ça que la sueur ne sera plus coulée. La sueur est venue parce que des désobéissances. Il nous a montré peut-être qu'on va travailler non, pour comprendre qu'on ne veut pas entrer dans ce domaine-là de la désobéissance. C'est tout simplement là où je dois être toutes ces fatigues. Alors, ce n'est Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai. C'est Jésus qui vient donner le repos. Donc, Christ Jésus accorde le repos. Donc, le sabbat était que l'homme va vivre 6 jours. Le moment de l'homme va venir, mais le moment venu où Dieu va venir leur accorder lui-même le repos. Le 7e jour, c'est le moment où Dieu accorde le repos. Je ne sais pas si vous me saisissez. Oui. Alors, donc, il va donner la régulation tout autour des sabbats, les peines de proposition, les sacrifices qu'on doit faire le jour du sabbat, ainsi de suite. Mais tout cela est fait pour garder les juifs dans la pensée que vous avez besoin d'un sauveur pour vous faire entrer dans le repos. Maintenant, ouvrez la Bible. Ne restez pas comme ça. Ouvrez la Bible. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, notre Père, vous bénisse abondamment en Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 4. You want to ask a question? Yes. Yes. Non, ne t'inquiète pas, on va toucher cela. Do you eat pork meat? Oh. There I saw Jesus giving the mark. Yes. Since that day, you didn't eat the pig. Okay, now remember, do you eat fish? Do you eat fish? Okay, so you do eat fish, not pork. Remember that after the demon has been cast out in the pork went to the sea river where there's fish. So don't also eat fish. Dans l'eau, c'est pas ça, hein? Oui. Est-ce que les pommes nagent? Donc ils sont morts nécessairement. Oui. Et il y a le poisson vivant là-dedans. Ça a empoisonné tous les poissons. Donc c'est une bêtise que quelqu'un dit qu'il ne mange pas le porc parce que jusqu'à envoyer le truc de le porc. Elle a été contaminée par la doctrine musulmane. Donc vous voyez là, le voisinage dont on parlait tout à l'heure, c'est que ça lui a fait, non? Je vous ai dit que c'était quelque part, vous ne nous amusez pas, vous prenez seulement. C'est pas sa raison qu'elle a donné, dit que je ne mange pas la vie, parce que quand elle a, depuis qu'elle a vu la marque, c'est où Jésus a enlevé, le démon s'est envoyé le porc là. Le porc. Bon, je pose la question. Le porc que ton voisin élève là, c'est le porc dans lequel Jésus avait envoyé le démon. C'est son arrière-grand-parent. Ah. C'est ni ils ne sont ni proches par en généalogie. Le porc que tu as maintenant n'est pas de ces généalogies. Donc ça veut dire que Jésus a jeté le démon dans tous les porcs alors. Dans tous les porcs. Vous voyez vraiment comment quand on confond l'écriture, les choses commencent à devenir bizarres. Non, on parle comme ça en s'amusant pour que vous saisissiez. Oui. Alors, lorsque les porcs sont tombés dans l'eau, ils ont nagé pour sortir. Non. Ils sont morts, non? Les démons là sont morts. Non. Mais il y a le poisson vivant dans l'eau, non? Donc, si tu fuis le poisson, sache que c'est même le poisson qui est le plus dangereux. Parce que le poisson conduit à nager les démons là. Et c'est eux qui reproduisent chaque jour dans l'eau que tu veux manger aujourd'hui. Donc c'est même les poissons que tu manges aujourd'hui qui sont les anciens généalogies de l'autre poisson qui était là-bas. What kind of car? According to the understanding. The Bible says we should eat everything that is sold, that is sold in the market. Bon, avant ça, venu au sabbat, avant de toucher ces choses, c'est merveilleux tout simplement la chose de Dieu, c'est la liberté dans le Seigneur. Amen. Bon, maintenant, j'ai dit que vous ouvrez Hébreux chapitre 4. Oui. Tu peux lire, mon cher. Allons-y, verset 1. Ah, non, assurons, c'est bien comme lui, il soit, comme il est proche de moi. Lise à partir du verset 1, si c'est possible. Craignons donc, ça veut dire que la promesse. La promesse d'entrée subsiste. Dans son repos subsiste oui. Encore. Oui. Qu'aucun de vous ne paraisse être. Venu trop tard. Oui. Car cette bonne nouvelle. Ah, un peu à haute voix, frère. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Oui. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui les entendirent. Oui. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Stop. Ça ne peut pas être un peu plus clair. Soulignez ça dans votre Bible, la partie que vous avez lue là. Nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc le sabbat était prophétique. Amen. Amen. Il dit pour nous, c'est pas encore terminé. Hein? Pour nous que nous avons cru, nous entrons dans le repos. Et pour être clair que c'est du même sujet qu'on a parlé, vous allez voir, il va expliquer plus tard parlant ce repos là par rapport au sabbat. Donc il parle de cela. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos. Puis il va dire maintenant, car il est dit ainsi du septième jour, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoi que ces œuvres aient été achevées, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Cela montre qu'il existe encore la promesse d'entrer, en disant encore longtemps dans David, encore aujourd'hui. Vous êtes en train de savoir aujourd'hui. Ah, c'est merveilleux cela. Donc, disons, de toute façon, j'ai déjà cité, continuons. You don't understand what we are saying here. Mm-hmm. Come and take your English Bible. Do you have your English Bible there? Okay. What I'm going to do is, do you have? Okay. You better read it in English. In that Hebrew chapter 4. What Apostle Paul you want try to say is here. He's talking about the Sabbath. This issue of Sabbath. Shall we worship the Lord Sunday on Sunday or on Saturday? Some other Christians in denomination says we must obey the 7-day Sabbath as according to the Jewish law. Those ones say no, we are accustomed on Sunday because of we've met Sunday. What is the real problem now, and what is the solution? Shall we there continue to adopt God on Sunday or Saturday? It must be solved. We must see it biblically. So we've taken this book of Hebrews chapter 4, trying to know what the Bible says to Christians. But the thing we ought to know is the difference between the Old and the New Testament. You see? So now the Bible is saying here that the Jews did have the same good news as we did. But to them, they did not receive it with faith. And now it is said unto us that we will believe, we enter in the rest. Because Shabbat means rest. So the Bible wants to make us know here that the Sabbath was a prophetical word for the rest. So there was a rest that was supposed to come to those who believe by faith. That's what he said here. Allons-y. Amen. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into the rest, into his rest, any of you should seem to fall short of it. 2. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. Yeah. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that had it. 3. For we which have believed do enter into rest. Stop. Now, it makes us ask a question. They say that we are dealing with this physical issue of a day. Yeah, he's dealing with a spiritual matter of believing for before entering. When you believe, you enter. It means the real rest is not a day. Vous comprenez cela? Ça veut dire que le vrai repos dont Dieu voulait parler, ça ne concernait pas le jour. Ça concernait quelque chose. Parce qu'il dit que pourquoi pour y entrer, il faut croire. Quand vous croyez, vous entrez. Puis pour montrer effectivement qu'il s'agit du Shabbat, il explique là-bas. Continuons ici déjà. Oui, nous qui croyons, nous entrons dans ce repos avant qu'il lise la version anglaise. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Un peu haut pour que les gens devaient entendre. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Mmh. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Donc, si vous lisez Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, vous allez voir effectivement ces paroles. Il a dit quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa du septième jour de toutes ses œuvres. Donc, il a fait état de ce repos-là par rapport à ces jours-là. Amen. Donc, nous sommes vraiment dans le sujet. Ce n'est pas deux sujets différents. Mais il a voulu ramener les gens à comprendre que le jour dont Dieu parlait, ce n'est pas un jour physique. Amen. Parce qu'il a dit ici, Dieu a dit quelque part du septième jour, du jour de repos, que Dieu se reposa de ce septième jour. Et il a dit que Dieu a dit, il jura qu'ils n'entreront pas dans son repos. Donc quand Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos, il veut dire, ils n'entreront pas dans mon sabbat. Donc ce qu'ils expliquaient physiquement là-bas, ils faisaient pour eux. Continuons. Are you understanding now, mommy? Ok. Six. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Oui. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Non. Il y a un deux points. C'est pour ça que vous lisez, vous ne lisez pas de cette façon-là. Vous ne saisissez pas ce qu'on dit là-bas. C'est pas aujourd'hui que Dieu fixe de nouveau un jour. Il dit qu'il fixe de nouveau un jour. Il veut dire ce jour-là. C'est aujourd'hui. Mais nous sommes dimanche là. Donc il a dit que aujourd'hui. Parce que tu as lu ça aujourd'hui, pas vrai? C'est pas ça, frère? C'est pas quand même aujourd'hui que j'ai lu ça. Mais tu avais lu ça quand? J'ai lu ça plusieurs fois. Bon, plusieurs fois, quand tu avais lu, on avait écrit quoi là-bas? Le même aujourd'hui. Aujourd'hui, donc chaque fois que tu vas le lire, ça sera? Aujourd'hui. Voilà, ça règle le problème. Donc pour Dieu, le problème c'est, le repos c'est quand? Aujourd'hui. C'est pas demain. Are you hearing? Comme dis oui, mamie, comme dis oui. Ça là où je suis. Tu comprends? On arrive. On arrive. Donc, écoutez très attentivement. We cannot share you. I cannot share my glory with you. Yes. Understand? Yeah. The last 7 days, that is said that nobody will enter the day of his resting. Yes. So that's why he chose that Sunday day. That Sunday. Yes. So do you think God did choose Sunday? Yes. Okay. Now he's saying here that God has fixed a new day. Mm-hmm. Why he has already said that they will not enter his rest. Mm-hmm. And he said that God has reserved a special day again now for those who are supposed to enter. And he said that day is today. Yes, it's Sunday. Vous avez vu le problème? Vous voyez le problème, c'est qu'on a lu ça quand? Dimanche. Voilà. C'est pour ça qu'il y a attendu qu'il finisse. Il dit que si demain vous renoncez, si tout le monde s'est baissé. Je crois que le. C'est venu là. Il peut. Dieu. Ah, alléluia. Donc ça va nous dire que. Oui. Quand tu vas ouvrir ta Bible lundi, quand tu vas ouvrir là-bas, ça va changer. Non. Ça sera quoi? Aujourd'hui. Tu lis ça mardi, ça c'est quoi? Aujourd'hui. Donc maman a compris que comme c'est dimanche, on a lu là, c'est aujourd'hui. Elle a dit que non, donc tu as fait ça. C'est pour ça qu'on dit, si vous lisez la Bible, je pense qu'il faut que vous donne un micro de l'autre côté, vous allez même finir. Je vais vous dire, voici pourquoi l'église doit être participative comme ça, la réunion. On doit participer. Parce que sinon, on va parler comme ça, sorti, on va comprendre les collègues. Il avait dit que le jour, c'était quand? C'est dimanche. Pourtant, c'est ce qu'il dit. Non. Pourtant, je m'efforce à comprendre que ça n'a rien à voir avec le dimanche. Mais elle comprend que c'est plutôt dimanche. Waouh, diable, moi, c'est ça le dimanche. Alléluia. Alors, Donc, il faut qu'on fasse attention. Donc, il dit qu'il a fixé un autre jour en disant longtemps dans David que, comme il avait déjà dit qu'il n'entrait pas dans mon repos, il fixe un autre jour. Il dit aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, ne soyez pas comme les juifs qui étaient là-bas. Maintenant, écoutez très attentivement. Les juifs observaient le sabbat, les chrétiens entrent dans le sabbat. Amen. C'est ce qui écrit là-bas. Amen. On n'a pas dit qu'on observe le repos. Hein? On dit qu'on entre dans le repos. Amen. Les juifs observaient le repos. Nous entrons dans le repos. Donc nous n'avons pas un jour. After you have believed, you enter into the rest. And écoutez très attentivement. Remarquez très bien que on n'a pas dit quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es dans le repos. C'est après que tu es écrit, que tu entres. Dans le repos, c'est le symbole même du baptême du Saint-Esprit. Parce que tu entres dans l'éternité avec lui. The seal of the Holy Spirit to show you that you have accomplished. You are made for heaven. C'est ça dont il est question. Après que vous avez cru, vous avez écouté l'évangile de votre salut ici, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui a été promis. Voilà le saut. Jésus ne dit pas que venez à moi, vous êtes fatigué et prenez le repos. Il dit que et je vous donnerai. Lui dit ça autrement. Venez à moi, tout ce que vous avez soif, je vous donnerai de l'eau source. C'est ça qui donne le repos pour vos âmes. Donc vous comprenez que si vous ne saisissez pas la Bible, vous allez faire autre chose. Croyez que vous allez faire des choses de Dieu, non? Oui. Voilà. Si la foi est venue et qu'il y a l'analogie de la foi, vous entrez dans la loi, de toutes les façons, if everyone who would like to obey the Sabbath today, if you will, you are willing to do it, you cannot. Because there are prescriptions related to Sabbath. Il y a des prescriptions relatives au Sabbath. Par exemple, si c'est le Sabbat aujourd'hui, elle a allumé le feu pour préparer la nourriture. Elle ne devrait pas faire ça, c'est déjà interdit. Tu ne devrais pas faire plus d'un kilomètre. Si le feu brûle quelque part, tu ne dois pas éteindre. Et tu n'as pas le droit d'acheter quelque chose. D'aller acheter quelque chose au marché. Tu ne peux pas payer le taxi. Oui. Donc vous voyez effectivement que si vous voulez oublier, vous n'avez pas la possibilité. Et c'est justement, c'est pour ça qu'ils étaient sur place. On fermait même la porte pour que les nourritures n'entrent pas à Jérusalem, ça ne sort pas, que chacun reste tranquille. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc même si vous voulez oublier, aucun adventiste de septième jour n'obéit au sabbat. Aucun. Amen. Amen. Oui. Aucun adventiste de certains jours n'observe le sabbat. Non. Il a dit ce jour, le sabbat là, il doit avoir les lampes allumées avec les pains de proposition sur les tables. Ils ont la table, ils ont le pain de proposition. Même s'ils avaient le pain de proposition, ils vont mettre sur quelle table? Parce que la table là, c'est toujours à Jérusalem, amen, au niveau du temple. Il y a le temple là-bas, non. Donc définitivement, il n'y a pas de problème avec les chrétiens. Donc même s'ils partent à Jérusalem, même à Jérusalem actuellement, ils ne peuvent pas toujours obéir. Parce qu'il n'y a pas de temple, il n'y a pas l'arche de l'alliance. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de possibilité d'obéir. Si on prend seulement le temps maintenant, je vous lis les sabbats et autres là-bas. En fait, quand on parle des sabbats, vous ne comprenez même pas. La Bible parle au moins 5 sabbats, 5 styles de sabbats différents. D'au moins 5 styles de sabbats différents. Quand on parle des sabbats, vous comprenez seulement le sabbat du samedi. Ça touche une autre question qu'elle a posée, le jour de la mort du Seigneur Jésus. On vous a dit que Jésus est mort quand ressuscité quand même, hein? Le premier jour. Quel premier jour? Le premier jour de la semaine. Il est mort quand? Un vendredi. Maintenant, comptons. Il devait faire combien de jours dans le tombeau? 3 jours. Comptons. Vendredi, samedi, dimanche. Ça fait combien de jours? Ça fait 3. Donc, il a dit qu'il devait faire 3 jours et 3 nuits, n'est-ce pas? Oui. Vendredi à dimanche, ça fait combien de jours? Ça fait 3. Donc, il est mort vendredi très tôt le matin? Non. Comme quand ça? C'était déjà dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Donc ça veut dire que dans l'après-midi à l'autre après-midi, ça fait un jour, non? Un jour. Donc de l'après-midi du samedi, vendredi à l'après-midi de samedi, ça fait combien? Un jour. De l'après-midi du samedi, à dimanche matin, ça fait combien? 2 jours. Donc il est sorti quand? C'est le dimanche qu'on parle du premier jour. Ça fait combien de jours? Ça fait 2 jours. Il devait faire combien? 3 jours. Vous devez vous repentir. Amen. Amen, amen. Vous devez vous repentir. Cette petite question-là vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alors, il y a un enseignement là-bas. Le thème, c'est qui suis-tu depuis? Ou quel Jésus sais-tu depuis? Alors que ce n'est pas mon vendredi, ça n'a rien à voir avec la Bible. Il n'est pas ressuscité dimanche, ça n'a rien à voir avec la Bible. La Bible nous dit. Donc les enseignements sont là, vous écoutez ces enseignements, quel Jésus suis-tu depuis? C'est ça qui a amené à cette adoration le dimanche où on dit le dimanche qu'il est mort, il est ressuscité le premier jour. Exact. Vous comprenez? Donc toi-même tu vois qu'il est mort vendredi à partir de 16h, de 15h à mon temps, de vendredi soir à dimanche matin. Ça fait 3 jours. Non. Mais il a dit dans Matthieu chapitre 12 là que il ne sera donné qu'à ces générations c'est que le signe de Jonas. Car de même que Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, il faut que le Fils de l'homme fasse 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Oui, mais c'est nous qui disons qu'il est mort un vendredi. Oui. La Bible ne parle pas de vendredi. Oui, en fait, lorsqu'on comprend, quand il est le premier jour de la semaine, qu'il est resté le premier jour de la semaine, oui. Tout naturel, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et par conséquent, il est mort, serait mort vendredi, parce qu'on parle de vendredi 7. C'est pour ça que c'est vous le bénir la tradition de vendredi. C'est les religieux, là. Voilà. Mais c'est les religieux, c'est ça que nous faisons. Oui, c'est les religieux. C'est pas la Bible. Amen. Mais c'était déjà vrai. C'est vrai que la religion. Oui, ils sont en plein dedans. Ils sont en plein dedans. Les Pâques que les catholiques font en avril, c'est tout le Pâques qui sont dedans. Ça n'a rien à voir avec les Pâques de la Bible. La Pâques, parce que tout le monde est dedans. Voilà. Donc, on suit le calendrier des catholiques. La Bible nous apprend que Jésus est ressuscité dimanche. Non. Ça, c'est la Bible. Non, non, c'est pas ce que la Bible dit en réalité. C'est autre chose là-bas. Le premier jour. Non, le premier jour, il était déjà ressuscité. Si vous lisez bien votre Bible, vous saurez que c'est comme ça. C'est ça. Marc 16. Non, je sais exactement. Il n'y a pas de problème. Marc 16. Donc. Et vous devez lire votre Bible. Parce que quand Marie était déjà ressuscité. Quand Marie vient, il était déjà ressuscité. J'aime ça. Quand Marie vient, il a trouvé qu'il est ressuscité. Elle n'est pas venue à le voir ressuscitant. Il a seulement trouvé que c'est au déroulé, c'est comment. Mais c'est le grand matin. On dit qu'avant l'eau, elle est allée pour aller mettre les baumes. Elle est venue en trouvant que le truc était là. Donc il était sorti. C'est la preuve biblique qui nous dit que ça ne peut pas être dimanche. C'est en lisant les Bibles que vous comprenez que ça ne peut pas être dimanche. C'est le choc là. Oui, mais c'est là ma question. Pourquoi Marc a attribué On arrive, c'est toute une construction. C'est parce que c'est le sabbat qui introduit ceci. C'est le sabbat qui introduit. Bon, allons-y maintenant. Allons dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 15. Marc d'abord. Marcus chapitre 15. Que Dieu vous bénisse. Amen. On permet que les gens trouvent Matthieu, Marc, puis Luc maintenant. Voilà. Marc chapitre 15. Voilà. On y va. Prenons depuis le premier chapitre, le premier verset du chapitre 14 avant d'avancer là-bas. Okay. Allons-y. Regardez, qui va lire? Tu as le micro, celui qui a le micro lit, pour qu'on puisse entendre. Allons-y. Marc 14. Oui, écoutez ça attentivement. Verset 1. Non, il dit commençons au chapitre 14 avant d'arriver à avancer au verset. Oui. Marc 14, à partir du verset 1. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Stoppons là-bas. C'est terrible. La fête des pains sans levain. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a plusieurs sabbats dans la Bible. La fête des pains sans levain. Ça dure combien de jours? 7 jours. Ça dure 7 jours. Voilà. Donc, écoutez très attentivement. La fête des pains sans levain, c'est la fête des moments où pendant 7 jours, les Juifs devaient passer sans le pain dans le levain dans leur maison. Et si on nous donne le renseignement, ça devait avoir lieu quoi? Dans 2 jours. Donc, le premier jour des pains sans levain devait avoir lieu dans 2 jours. Dans 2 jours. Je vais écouter très attentivement. Oui. Ils sont à 2 jours du début de la fête. Oui. Le premier jour de la fête est un sabbat. Donc, lorsque ça commence, c'est un sabbat. D'accord? C'est un sabbat, oui. Ok. On dit que ça avait lieu dans 2 jours. Alors, dans deux, Jésus donc donne l'ordre à ses disciples maintenant d'aller préparer la Pâque pour qu'ils mangent la Pâque. La Pâque se passe le 14e jour au soir où on a immolé la Pâque ou l'agneau pascal, n'est-ce pas? Le 14e jour au soir, ça introduit le 15e jour qui est le début des fêtes des pains sans levain. Oui. Donc, lorsque le 14e jour, on immole la Pâque, pendant qu'on mange le soir du 14, en donnant place, ça donne la place au 15e jour, le 15 de Nissan, oui, qui est le premier jour des fêtes des pains sans levain. Vous comprenez? Oui. Et qui va aller comme ça jusqu'au 21. Parce que de 15 à 7 jours, ça va faire 21. Oui. Vous suivez, n'est-ce pas? Oui. Et le 15, donc, c'est un sabbat. Le 15, c'est un sabbat, parce qu'on n'a pas fait l'isolement. D'accord? Oui. Donc, lorsqu'il fait la Pâque, le lendemain, c'est un sabbat. Oui. D'accord? Regardez bien, c'est ça. Ça a une implication terrible. Oui. Alors, donc, c'est dans deux jours. Donc, attendez, tout attentivement. Donc, comme ils sont comme ça, la fête de la Pâque, c'est dans deux jours. Oui. La fête de la Pâque, le début, c'est le 15. Donc, le 14. On a dit la Pâque. La fête des pains sans levain, oui, a lieu dans deux jours. Oui. Donc dans un jour, c'est la fête de la Pâque. Ok. Puisque c'est après la Pâque que vient le début des pains sans levain. La Pâque, c'est le 14, Nissan. Le début des pains sans levain, c'est le 15. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un gros morceau. La fête des pains sans levain et la Pâque. Ouais, c'était le début du pain sans levain. C'est pour ça qu'il dit que si on prend un autre calendrier, le plus difficile c'est de pouvoir expliquer avec notre calendrier par rapport au calendrier. Parce que le calendrier va du soir au soir. D'accord? Il commence à partir de 18h. Lorsque 18h arrive comme ça, le jour en est terminé. D'accord? Donc, lorsqu'on est le 14, lorsque le 14 est en train de finir, le 15 entame. Quand le 15 entame, c'est le début du pain sans levain, la fête du pain sans levain qui va en durer 7 jours. Donc quand on dit que vous savez que la fête des pains sans levain a lieu dans deux jours, ça suppose que la fête de la Pâque a lieu dans un jour. Mmh. Et c'est à la Pâque qu'on doit immoler l'agneau. Oui. On se comprend jusque là? Oui, j'ai compris. Voilà. C'est donc ne confondons pas. Voilà. Ne confondons pas le début de la fête de la Pâque, la fête de la Pâque en personne, au début de la fête des pains sans levain. Le début de la fête des pains sans levain, c'est le 15. La Pâque, c'est le 14. Si il dit le 14, depuis le 10e jour, si vous lisez Exode chapitre 12, il dit qu'on va prendre un agneau. Oui. On va garder le 10e jour. Oui. Et le 14e jour, entre les deux soirs, on doit l'immoler. Oui. Donc la Pâque, donc ce sera la Pâque du Seigneur. Oui. Maintenant, dans le 14, maman bouge seulement la tête. Dans la tête, il dit que comment le petit là, comment pour comprendre la Bible comme ça. C'est la parole de mon père. C'est ce qu'il s'est parlé. C'est dans le royaume, ça se trouve ici. D'accord. C'est pour ça qu'on peut me tromper sur n'importe quoi. C'est des formules mathématiques là-bas, on peut pas me tromper. Parce qu'il connaît le langage de mon père. Alors, les gens se tiennent compte de ces deux jours-là. Les musulmans, non, oui. Ils comptent de 18h à 18h. Non, c'est des problèmes. Ils sont dans les. Ils sont corrompus. Mais ça n'a rien à voir. Leur calendrier est en 1400. Pour les juifs, c'est en 16. Les juifs sont en 1677 maintenant. Nous sommes en 2016. Bon, allons-y, on avance. Donc, la Bible nous enseigne que, dans Marc chapitre 14, que vous savez, c'est Jésus qui dit que la fête des pains sans levain a lieu dans. Par conséquent, la fête de la Pâque a lieu dans. Donc, quand on est parlé comme ça, le lendemain, c'est quoi? Donc, ils sont là où? Le 13. Le 13. Merci, frère. Ils sont le 13. Écoutez. Donc, s'ils font la Pâque le soir, et c'est le soir là, on va l'attraper, n'est-ce pas? Parce qu'il va célébrer la Pâque dans la nuit. Oui. Écoutez ça, il veut commencer à vous expliquer maintenant chronologiquement. Oui. Il fait la Pâque le 14. Oui. Et la Pâque ne célèbre que dans la soirée. Oui. Il finit de se manger, il va dans la Gethsémani, il prie jusqu'à ce que ses grumeaux se transforment. Oui. On l'attrape. Oui. Le lendemain, grand matin, on part sur le souverain sacrificateur. Oui. On le bascule n'importe comment, oui, pour aller chez Hérode, chez Pilate, ainsi de suite. On le bascule. Oui. Après, on l'amène à Golgotha. Vers la soirée, la Bible déclare que vers 16h, vers 15h, il a rendu là. Oui. Ça, ou c'est pas ça? C'est ça. Donc, ça veut dire que le 15 au soir, il a rendu là. Nous sommes d'accord. Oui. Mais le 15 là, c'est un sabbat. C'est un sabbat. C'est ça? C'est ça. Ok. Voici le vrai problème. Le vrai problème, c'est que Jésus devrait être dit. Jésus, notre Seigneur, devait être immolé le soir de la Pâque. Donc, c'est le 14 au soir qu'il a été immolé pour être la Pâque parfaite. C'est le 14 au soir qu'on a immolé. Oui. Donc, ça veut dire qu'on l'a attrapé. Alors, il se prépare. Je dis le problème, c'est que quand tu vous dites lundi, vous comptez lundi matin à l'autre matin. Le problème, c'est que chez eux, la Bible déclare qu'il y a eu un soir et un matin, ce fut jour 1, le premier jour. Donc, il faut que vous gardiez cela à l'esprit. D'accord? Donc, il est 16h30 là. Ça veut dire que lorsque 18h va arriver, 18h01, on se retrouve dans un autre jour. Dans le calendrier. Alors qu'on a envie de continuer ici pour arriver à minuit pour que l'autre jour finisse. Voilà le vrai problème, c'est pour qu'ils puissent expliquer. D'accord? Donc, il y a deux sabbats qui se trouvent donc là-bas pendant la mort du Seigneur Jésus. Il dit bien, il y a deux sabbats. Lorsqu'il veut, ici vous avez le temps, je vais vous donner la Bible, l'une des biblistes qui a traduit ça de la bonne façon, c'est Terra Fenton. Dans la version de la Bible, Terra Fenton, dans Matthieu chapitre 26. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 26, on dit after the Sabbath. Dans votre version, on écrit au singulier. Terra Fenton met after the Sabbath au pluriel. Ça change toute la donnée. Après que les sabbats furent passés, Marie, dans ce chapitre 26 là, Marie de Magdala et autres sont allés au sépulcre pour voir ce qui se passait. Mais votre version dit après le sabbat. C'est ça qui a fait comprendre aux gens que il est mort vendredi et qu'ils attendent que samedi pour. Écoutez très attentivement. Ils attendent samedi pour aller au sépulcre dimanche matin. Parce qu'ils croyaient que le sabbat, c'est le sabbat hebdomadaire. Pourtant, il y avait les sabbats. C'est pour ça qu'il est important d'expliquer le processus des 7 jours de pain sans levain. Dans lequel le premier c'est un sabbat, le dernier c'est le grand jour, le grand jour. Maintenant, allons-y dans le livre des Jean, chapitre 19. C'est un autre enseignement là. Donc, s'il vous plaît, il y a l'enseignement là, je vais vous donner. Le titre c'est « Quel Jésus suivez-vous ?» Où j'ai donné toutes les preuves depuis la genèse de ces choses-ci, pour qu'on n'y entre plus. Mais justement, vous lire quelque chose dans Jean, chapitre 19. Jean chapitre 10, vous y êtes? Regardez. Verset 31, regardez. Dans la crainte que les corps ne restassent, je suis dans Jean chapitre 19. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat. Le sabbat. Ah! Oh! Oh! Je peux courir là maintenant. Écoutez. Dans la crainte que les corps ne restasse quoi? Sur la croix. On dit quoi? Pendant le sabbat. Virgule. Lisez-moi ce qui est écrit. Car c'était la préparation. Ça pose un problème. Oui. Alors, ça pose un problème. Les juifs ne se préparent pas. Les sabbats hebdomadaires, ils sont évidents. Ils connaissent les routines des sabbats hebdomadaires. L'autre sabbat, s'il est différent, ils doivent préparer. Oui. Regardez maintenant. Il dit, et ce jour des sabbats était un grand jour. Donc, c'est différent des autres jours. Donc, on a parlé d'une fête juive ici qui correspond à un sabbat qui se trouvait intercalé à ce moment-là que Jésus est mort. Mais, regardons. Regardez le verset. Allons au verset 40 et 41 pour voir directement. Regardez. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait des bas. Quand vous allez voir, vous allez suivre le développement dans cet enseignement-là, d'accord? Et quand vous allez suivre cet enseignement-là, ne suivez pas à la hâte. Suivez, vous prenez le verset, vous mettez pause. Vous lisez doucement ce qu'on a envie de dire. Regardez. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait des bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'il déposait Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était couché. Parce que comme il est mort à 16, on a dit qu'il a créé ce rien de ténèbres sur la terre. On a dit que le temps de porter Jésus pour aller enterrer loin, le sabbat va nous trouver. Oui. Et le jour où il est mort, c'était la préparation. Oui. Mais pourtant, la mort de Jésus, c'est la Pâque. Vous devez résoudre des choses là-bas. Oui, ça c'est vrai. Vous devez résoudre des problèmes. C'était la préparation. Donc il est mort vers le soir. N'est-ce pas, frère? Oui, c'est ça. Le problème maintenant, c'est que vous trouvez dans Marc deux volets. Marc chapitre 16. On dit Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine. C'est ce que la Bible déclare là-bas. Oui. Quand j'ai lu ça, c'est l'une des premières choses qui est rire dans la Bible. Parce que avant de lire, tu lis tout le reste, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit là-bas. Oui. Alors je suis resté tranquille et dit, Seigneur, qu'est-ce que... Oh, je dis que mon épouse est là. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, waouh. Quand le Saint-Esprit est venu, il a dit, déplace la virgule. C'est la virgule qui pose problème. Je suis encore dans le problème, mais la virgule se trouve où ici? J'ai cherché la virgule. Allons-y là-bas. Il dit, c'est la virgule qui pose problème. Souvenez-vous, votre Bible est écrite sans ponctuation normalement. C'est-à-dire que vous prenez l'original des rouleaux. C'est écrit sans ponctuation. C'est quand les gens écrivent dans leur langue comme le français qui doivent mettre stop quelque part, virgule quelque part, pour question d'accoutumer à la langue. Et par conséquent, si quelqu'un n'est pas contrôlé par le Saint-Esprit, il peut mettre un point là où il ne doit pas être. Il faut le Saint-Esprit pour corriger ceci. Ha. Allons-y. Maintenant, vous allez voir le verset dont tu as parlé. Quand tu vas déplacer la virgule comme il m'a demandé de déplacer, tu vas encore en prendre la même phrase sans que le mot n'ait changé. Jésus avait dit qu'on ne doit pas changer de iota. Il a dit qu'on n'a pas changé de i. Donc s'il déplace une phrase, une lettre, vous avez un problème. Mais le problème, c'est que la virgule ne se trouve pas dans la Bible. Il n'y a pas la virgule normalement dans l'écriture biblique. En fait, l'écriture hébraïque était écrite, il n'y a même pas l'espace. Il dit qu'on écrivait comme ça là. La maison de papa est à Bonabéry. On ne sait pas là avec la maison. On écrit la maison. Tout est coincé comme ça. Dans l'original juif. C'est à vous d'écrire dans le traduit pour mettre ça comme ça. Marc chapitre 7. Vous parlez d'aller à l'école théologique pour aller apprendre ces choses-ci. Marc chapitre 16. Donc vous allez. Comment? Marc chapitre 16. Je veux que vous ayez ça maintenant dans les yeux, d'accord? Marc chapitre 16. Maintenant, je vais lire dans le chapitre 16, il y a deux choses. Regardez. Verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, il vous a dit la version faire en fin de main, lorsque les sabbats furent passés. Parce qu'il y a un sabbat hebdomadaire et un sabbat qui est un grand jour. C'est deux sabbats qui sont passés là-bas. Donc il y a une préparation. Ils fêtent le sabbat. Il y a un intervalle où ils attendent maintenant pour préparer maintenant pour le sabbat hebdomadaire. Ah, Dieu de gloire. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mais déjà et Salomé, achetaient. Vous écoutez très attentivement pour que vous compreniez que quelque chose ne va pas. Regardez. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie de Jacques et Salomé achetèrent des aromates. Donc, si on considère que le sabbat existait le samedi, donc ils ont acheté quoi ça quand? Dimanche. Vous allez comprendre quelque chose. Lorsque le sabbat fut passé, oui. Le sabbat est censé être quand? Samedi. Quand ça passe, on est quand? Dimanche. On dit qu'elles sont allées acheter des aromates. Oui. Mais le problème, c'est qu'on dit qu'elles sont arrivées à l'aube de du premier jour. Ils sont allées acheter ça à quelle heure? Dans la nuit. Il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Parce que c'est très tôt le matin qu'ils sont allés là-bas pour aller voir Jésus. Ils sont venus, ayant déjà acheté. Ici, on dit que lorsque le sabbat fut passé, ils sont allés acheter. Oui, c'est le dimanche. Hein? Donc ça veut dire que c'est le dimanche. Mais ils ont acheté à quelle heure pour arriver très tôt à l'aube? L'aube, ça veut dire que c'est très tôt, mais 5 heures. Oui. C'est quel commerçant là-bas? Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a des problèmes. Donc, à l'aube, le sabbat a pu passer, ils sont allés acheter maintenant les aromates. Ils pour en préparatif maintenant pour garder, pour aller oindre le corps de Jésus. Ils ne peuvent pas maintenant rester tranquille. D'accord? Ils restent tranquilles pour attendre maintenant quand le sabbat va finir pour aller. Si vous lisez la Bible, vous ne posez pas de bonnes questions, vous allez tout avoir des incongruences. Maintenant, regarde, le premier jour de la semaine, vous voyez effectivement qu'il y a une pause, n'est-ce pas? Regardez bien, regardez. Lorsque le sabbat fut passé, normalement, si le sabbat est le sabbat hebdomadaire, alors forcément, regarde, on dit, Marie et Madala, Marie, mère de Jacques, de Salomé, achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc, on se suppose que si c'est le sabbat et le mardi dont on parle, c'est que naturellement ils ont acheté ça dimanche. Oui. Puis on dit au verset 12, 2 que le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre. Il y a un problème entre le verset 1 et le verset 2. Regardez, on dit des grands matins comme le soleil venait de se lever. Donc, le sabbat dont on parle ici, dans le premier cas, n'est pas le sabbat du samedi. C'est ça le problème. Donc le sabbat qui s'est passé ici, pour qu'elle puisse aller le lendemain aller acheter, ça se trouve c'est un sabbat qui était entre un jour ouvrable, qu'ils sont allés acheter. Mais là il fallait attendre maintenant l'autre sabbat encore, qui, le samedi, pour aller dimanche le matin. Et ça parce qu'on se comprend. En fait, vous allez suivre dans l'enseignement là, pour qu'il ne revienne plus. Maintenant écoutez bien. Elle disait, verset 3 maintenant, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. On dit que ceci s'est passé avant le lever du soleil. Vous allez voir quelque chose en dedans. Regardez. Et verset 5, elles entraient dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite et vêtu d'une robe blanche et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point. Regardez bien, regardez le parole de l'ange. Il est ressuscité. Donc lorsque les femmes sont de faire rencontre avec l'ange, l'ange lui donne l'information qu'il est ressuscité. Mais nous nous retrouvons là-bas avant que le soleil ne se lève, donc avant 6 heures. Mais les anges vont voir que comme vous voyez comme ça, les anges sont là pour donner des informations parce que le tombeau est vide. On dit qu'il est ressuscité. La question c'est, à quelle heure est-il ressuscité? C'est un problème. Parce que tout naturellement, les Juifs doivent aller chercher au tombeau parce que c'est là-bas qui était sa dernière demeure. Les anges sont là pour les attendre, pour leur donner la nouvelle qui s'est passée. On dit qu'il est désisté, pour le chercher, il est déjà en Galilée. Allez le trouver là-bas, écoutez bien, exactement. Et voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous a dit. Maintenant, verset 8, et c'est le verset 9 donc qui va causer problème maintenant. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit, la peur et le trouble les ayant saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Maintenant, regardez bien. Or, on a dit là tout à l'heure que les anges ont dit qu'il est ressuscité. Subitement, le langage de la Bible change comme si ce n'était pas la même personne qui a écrit le verset suivant. En fait, si vous avez le verset biblique, je ne sais pas si vous avez la Bible, vous avez remarqué que le verset 9 est encadré avec le verset 20. Je ne sais pas. La Bible. Bon, je ne sais pas c'est quoi. Ce n'est pas encadré. C'est quand même terrible. Qui a autre version ici? Do you have that? Is the good news? La main avec moi-même. Tu es au même endroit. Oui. Let me see. Where is verse 9? Voilà. Remarquez dans sa version. Prends sa version, tu vois quoi. Hein? Sa version est bonne. Quand, je ne me dis pas que c'est la meilleure version. Il dit pour expliquer ce qu'on lui dit. Remarque bien que sa version, ça va commencer par. Verset 9 commence par une parenthèse. Un crochet. Oui. Voilà. Donc le crochet est mis sur le verset 9. Regarde le verset 9. Le verset 20. Ça ferme là-bas. Tu as vu que le crochet ouvert au verset 9, fermé au verset 20. Donc les versets 9 à 20 n'ont pas la même chronologie ni la même tonation avec le reste de la Bible. Le seul chapitre. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Ah, ça pose un problème. Beaucoup de traductions, parce qu'il y a beaucoup de textes de l'original, n'ont pas de verset 9 au verset 20. Mais ça, c'est ici. C'est pour ça que vous touchez un demi-jour, vous prenez le verset 16. Et 17, voici le meilleur qui en commandant ceux qui auront qu'à mon nom, ils chasseront le démon. Il va dire que dans l'original, ça ne se trouve pas. Même chez eux, on met aussi l'entre guillemets. Bon, il dit maintenant que, ok, ça ne se trouve pas dans l'original. Il dit, ok, enlève même dans votre Bible aussi. Enlève aussi chez écrivez sans ça, comme ça, il ne parle plus de ça. Mais quand dans la Bible, on ne doit pas. Mais il faut expliquer aux chrétiens ce qui s'est passé. Le son change, le langage. Quand il lit la Bible, écoutez très bien, je ne sais pas comment il va vous expliquer ceci. L'apôtre Paul, la façon que les gens rencontrent là, que racontent là, quand je l'ai vu, ça n'a rien à voir avec celui qui est là. C'est que les gens racontent, et pas l'apôtre, pourquoi il est vu dans le groupe avec les apôtres. Et des choses sont passées. Quand je l'ai vu et qu'il m'a regardé, ce n'est pas l'apôtre qu'on voit là, ce n'est pas lui. C'est-à-dire qu'on dessine l'apôtre Paul avec des barbes bizarres. Ça n'a rien avec cela. L'apôtre Paul que j'ai rencontré, ça n'a rien à voir. Alors, je vais dire ceci. Lorsque je lis les écrits de l'apôtre Paul, je peux savoir si c'est lui qui a écrit. Même si vous enlevez son nom quelque part, quand je suis sa plume, il a dit que je lis, j'entends sa voix, ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Si vous connaissez votre enfant, par exemple, votre femme, vous voyagez, il écrit une lettre, vous pouvez lire la lettre avant que ça, c'est mon enfant qui a écrit. Parce que vous connaissez son langage. Si il s'exprimait audiblement, vous allez entendre que c'est ce qu'il a dit. Vous entendez sa voix. D'accord. Bon, maintenant, regardez que dans ce verset 9 là, c'est entre crochets d'abord. Donc il y a un problème déjà sur cela. Quand vous lisez le son maintenant, le son change, le son, le ton, la tonalité de la personne qui a écouté, expliqué chronologiquement, ça change. Là-bas en haut, on a dit, quand ils sont venus, les anges ont dit, il est ressuscité, il n'est point ici. Subitement, on dit encore que Jésus, étant ressuscité le premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie. Pourtant, on vient de raconter ça tout à l'heure. Là. Il y a un problème. Disons. Allons-y, regardez. Jésus, vous avez les yeux là-bas, verset 9. Regardez, Jésus. Non, non, je vais lire avec la prononciation, avec les, le découpement des ponctuations. Jésus étant ressuscité, le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. C'est ce verset que tu disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Maintenant, déplace la virgule deux mots après. Et puis lis. Toi-même. Allons-y. La virgule. Allons-y, frère. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Non, relis encore avec le son, avec le ton, avec la tonalité de la virgule. Amen. Tu vas déplacer la virgule deux mots après. Donc là où la virgule se trouve, déplace les deux Jésus mots. Jésus étant ressuscité. Oui. Le matin du premier jour de la semaine. Oui. Apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle. Vous lisez ça, c'est le compte rendu de Matthieu, Marc, Luc, vous venez de dire exactement comme ça. C'est ce que Matthieu, Marc, et Matthieu, Luc et Jean disent. Exactement comme ça. Quand il est ressuscité, justement, a apparu d'abord à celle-là. Mais vous voyez que quand vous lisez Jésus étant ressuscité le matin, on dit c'est comme si on voulait insister du fait qu'il est ressuscité dimanche matin. Mais comme on a mis la virgule, ça fait comme si il est ressuscité dimanche matin. La virgule doit être après ressuscité. Quand il est ressuscité, on me dit, on a de vouloir mettre l'emphase sur après sa résurrection. À qui il a d'abord apparu. L'emphase avec la virgule déplacée, c'est mis plutôt sur le jour de la résurrection, qui n'est pas dimanche. Amen. Jésus étant ressuscité, le matin, il a apparu à telle personne. Il est ressuscité. Parce que là-bas plus haut, les anges ont dit, il est déjà ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un problème avec le haut et ce qui est là-bas. À cause de quoi? De la virgule. Donc, l'enseignement là, c'est l'enseignement de 3h30. Prenez le temps d'écouter doucement. Et si maintenant, par la suite, il y a des questions encore qui ne sont pas claires, on peut répondre. Parce qu'il y a des considérations, comme par exemple, il fallait qu'il meure un jour de Pâques. Il faut que toutes les images. Ouais. Maintenant, le simple bon sens voudrait que s'il est mort en soirée, il ressuscite en soirée. C'est d'abord la base là-bas. Amen. Nous sommes à. Il est 16h45 ici. Mm-hmm. Parce que 16h45. Et il est mort avant 16h. Donc, parce qu'on a dit qu'il y avait précipitation. Mm-hmm. Le soleil s'est couché. Supposons qu'il est mort à 16h45 ce jour-ci. Mm-hmm. À partir de là, on va compter 3 jours. Donc, 16h45 du procès, nous a fait un jour. L'autre 16h45, encore ça fait deux. L'autre 16h45, ça fait. C'est après cela qu'il va sortir du tombeau. Parce qu'il faut, il a dit qu'il va passer 3 nuits et 3 jours dans le sein de la terre. Donc, comme il est mort le soir et déposé au sépulcre le soir, il doit ressusciter le haut. Le soir. Donc, si l'ange dit qu'il est ressuscité, ça veut dire que le soir d'hier, il est ressuscité. Amen. Il se présente maintenant ce matin, c'est parce que vous venez le chercher. Amen. C'est terrible. Donc, si il meurt le soir, il ressuscite un matin, il y a un problème. Il y aura des déséquilibres, même des comptages. Déséquilibre. Ça ne peut pas donner 24, enfin, c'est 72 heures dont il parle. Puisque lui-même, il avait dit que nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera régné, craché, moqué. Après avoir livré, on le crucifiera, mais il restera 3 jours après. 3 jours après. Et de même que Jérusalem avait fait 3 jours. Voilà. Il n'a pas fait 2 nuits, 1 jour et demi, un peu moins 1. C'est 3 noisseurs l'ont trouvé là-bas. Et en fait, la Bible révèle que Jonas était mort, effectivement. Vous lisez Jonas, on dit clairement qu'il était mort. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il n'est pas passé 3 nuits dans le ventre des poissons, il respirait. Non, non, non, il était mort. C'est ça que la Bible déclare. Voilà. Il faut qu'il meure pour sortir. Amen. Amen. Alors, donc, c'est la résurrection du Seigneur Jésus qui pose problème avec le style du sabbat-ci. Où les gens croient que comme il est ressuscité le premier jour, que c'est pour cela que les gens se réunissaient le premier jour. Parce que si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 7 et suivant, on dit le premier jour de la semaine, comme nous étions réunis pour rompre des pains, vous voyez, parce qu'ils étaient réunis pour rompre le pain. Mais la Bible aussi dit dans Actes chapitre 2 qu'ils se réunissaient chaque jour aussi. Amen. Qu'est-ce que vous dites donc maintenant à cela? Parce qu'on ne peut pas aller prendre Actes chapitre 20 parce qu'ils sont réunis, parce que l'apôtre devait rompre le pain, parce qu'il est parti le lendemain matin. Il a prononcé son discours jusqu'à tard le matin, quelqu'un est tombé de l'immeuble, il est mort là. Vous dites que, ok, comme on a vu là-bas, ça veut dire qu'ils sont ressuscités. Alors, qu'est-ce que vous allez dire maintenant de Jésus qui chassait les démons plutôt le jour du sabbat? Ouais, ce que je dis, n'est-ce pas? Donc, Le fait que vous avez vu que les Juifs sont réunis ce jour-là, c'était un jour spécial qu'ils sont réunis parce que la pauvre avait donné les instructions avant de partir. La Bible déclare à des apôtres quand l'église est née que chaque jour, ils étaient chaque, tous les jours assidus, n'est-ce pas? Ils se rompaient le pain chaque jour et ils partageaient la nourriture avec ses frères que chaque jour. C'est ce qu'ils faisaient. Donc le chrétien n'est pas astreint à l'observance des jours. N'est-ce pas? La Bible déclare dans Colossiens chapitre 2 que personne ne vous juge au sujet des sabbats, au sujet des fêtes, des nouvelles lunes ou autres. C'était l'homme. Le corps est en Christ. C'est ce que la Bible déclare. D'accord? Ce qui a aussi trompé les gens, quand Paul dit dans 1 Corinthiens 16, oui, on mettait de côté, oui, les premiers jours de la semaine, oui, les dons pour le secours des saints à Jérusalem. Oui. Quand il va passer, il va récupérer tous les dons et tout. Donc quand on a dit, on mettait de côté le premier jour de la semaine, oui, tout ça avec ce qu'il s'est d'abord passé avec les actes des apôtres. En réalité, arrêtez, si vous remarquez très bien, vous allez voir que l'apôtre Paul est donné dans 1 Corinthiens 16, là, il donne l'instruction aux Corinthiens. Les Corinthiens n'avaient rien à voir avec la tradition juive, c'était des païens. Maintenant, l'apôtre Paul ne dit pas qu'ils vont remarquer, bien encore, si on lit encore cela, vous allez voir qu'il n'est pas de dire réunissez-vous dimanche à travers les collègues. Il a dit que chacun de vous met à part selon ce qu'il veut. C'est à part, c'est où? Chez lui. C'est chez lui. Donc, chaque dimanche, faites le collègue, vous pouvez mettre dimanche, chaque dimanche, vous mettez chez vous. Comme ça, quand il va venir ici, on vous dit que c'est le moment des collègues, apportez maintenant cela. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qui est écrit dans la Bible. On n'a pas dit qu'il se réunissait chaque dimanche, il réunissait, dit que chacun de vous, le premier de la semaine, met à part chez lui. On n'a pas dit qu'on met à part à l'assemblée. Donc, si vous voulez, en disant qu'on ne fait les collègues ici, ça n'a rien à voir. Et la collègue est faite en faveur des saints. Donc, lorsque les gens sont dans les difficultés, on fait la collègue. Il n'y a pas d'autre. Oui, frère. Non. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Donc, en clair, répondons à la question de ce frère-ci. Quand est-ce qu'on doit observer le sabbat? Le sabbat n'était pas demandé d'être observé, on t'a demandé d'entrer dans le sabbat. En tant que chrétien. Amen. On a demandé d'entrer dans le sabbat. Si on a dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer subsiste encore. Que personne, que aucun de vous ne vienne arriver trop tard. Parce que cette parole-ci nous a aussi annoncé, aussi bien qu'à eux. Mais cela ne trouvait pas de foi chez ceux qui l'ont reçu. Alors Dieu l'a fixé et un jour en disant aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si tu entends ta voix, crois et entre. Amen. Puis il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos. Donc le débat, c'est dimanche et samedi, ça n'a pas de sens. Parce que quand vous êtes dimanche, vous voyez samedi, il a dit que l'heure vient, et l'heure est venue où les adorateurs adorent en esprit. L'esprit n'a pas de jour. Et autre chose qu'il faut corriger maintenant, c'est qu'on dit que nous sommes le jour du Seigneur, c'est samedi. L'autre dit non, le jour du Seigneur, c'est dimanche. La Bible, ce que la Bible appelle par le jour du Seigneur, ce n'est pas le jour du culte, c'est le jour du jugement. C'est le jour du jugement. Et la Bible déclare que malheur à celui qui désire voir le jour du Seigneur. Il dit que qu'est-ce que vous attendez du jour du Seigneur? C'est un jour ténébreux, un jour d'obscurité, un jour où le ciel va passer avec fracas, un jour d'obscurité, de sombres nuages. Et quelqu'un dit que, ouais, Seigneur, que ton jour vient vite. Hein? La Bible déclare que malheur à celui qui dit que ça vient. Oh, ce qu'on doit dire que ce qui vient, c'est que le règne du Seigneur vient. Que l'Esprit et l'Époux disent, viens, viens Seigneur Jésus. C'est comme ça que l'Apocalypse est conclue. C'est comme ça que la Bible est conclue. Donc on a prié que l'Époux vient pour chercher son épouse. Amen. Amen. Amen. C'est compris mon cher. Mommy, have you got me? Yes. Yes. So that today doesn't mean because we are today on Sunday, that the Bible is bearing the day of Sunday as the adoration day. Ça veut dire que nous pouvons travailler les dimanches. N'importe quoi, même si vous faites absolument n'importe quoi. Le chrétien, on dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchi. Donc tu veux travailler n'importe quoi, travaille n'importe quand. Parce qu'en réalité, il y a des moments où les Juifs devaient faire le sabbat. En dehors du sabbat, si Dieu dit n'importe comment, il fait son travail. Maintenant, tu es chrétien dans la nuit quand tu dors, quand tu te laves, quand tu te lèves, quand tu travailles. Donc il n'y a pas de moment où tu n'es pas créé. Chrétien. Donc à tout moment, il peut te mettre en service. Et oui, pour compléter, comment on définit les jours de réunion de l'église? Mais comme nous avons vu là, vous avez vu effectivement que la réunion de l'église est convoquée par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est convoqué par le Saint-Esprit. Maintenant, l'une des choses qu'on voit, c'est que vous croyez effectivement que c'est en se réunissant de façon officielle que vous croyez que vous réunissez. Vous remarquez que tu verras visiter assez frais si tu t'assois là-bas. Envoyant un autre soeur vient s'asseoir tranquillement sans que vous ne lui donnez rendez-vous. Vous asseyez, envoyant le problème de quelqu'un est résolu là-bas. C'est Dieu qui vous a réuni pour arranger des problèmes. Vous réunissez, en fait, c'est parce qu'on a toujours l'impression que quand on doit être nombreux pour prier, pour chanter fort pour que ce soit le jour où on a agréé le Seigneur. Oui. Pourtant, Jésus lui a dit que là où deux ou trois sont assemblés, c'est suffisant pour qu'ils soient là. N'est-ce pas? C'est pour cela que quand les gens voient, les gens sont un peu de nom, ils disent non, non, non. Il faut que mon ministère grandisse. N'aie pas la soif d'avoir beaucoup de personnes. Aie la soif d'avoir les personnes que Dieu veut. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans les réunions, en dehors des réunions, des jours de réunion que vous avez convenu, Dieu peut vous réunir n'importe quand. Il peut vous assigner des jeunes. Il peut vous demander maintenant de ne pas tenir de réunion. C'est pour ça qu'il faut être dans la liberté du Saint-Esprit. C'est pour ça que mettez un programme, que tel programme c'est comme ça là, en limitant cela, c'est un problème. Vous pouvez vous réunir, vous venez comme ça, après le Seigneur vous met à cœur qu'il faut qu'on passe le temps ici dans le jeûne. Vous pouvez nous enfermer pour vous prier et jeûner. Sans que ça, alors qu'il n'y a pas de programme de fermeture de prier les jeûnes. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. On va parler de l'ordre dans l'église. L'ordre dans l'église. Il y a beaucoup de choses qu'on a héritées, mais il faut que les gens soient seulement humbles pour accepter. D'abord, vous avez vu les campagnes d'évangélisation dans la Bible? Vous avez entendu le mot croisade dans la Bible? Non. Croisade, ça veut dire qu'ils sont ceux qui partaient lutter contre les gens qui servaient Dieu véritablement. Les croisés. Compose la Bible. C'est ça la croisade. On utilise ça aujourd'hui avec le tangage chrétien parce que I'm going to the crusade. Croisade. Ah, mais regardez. Je sais que ça peut scandaliser, mais je vais seulement dire quelque chose. Lorsque vous voyez dans la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 3, que Saul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, descendus à celui-ci, puis montés en Phrygie, descendus à Troas, arrivés à Lydie, se tenaient impotents. Pendant que Pierre, par la Paul parlait, il s'est tourné, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit, lève-toi ce que Dieu, puis il s'est levé, la campagne d'évangélisation a commencé là. Sans annonce. Mais quand les gens viennent, on fait des publicités pour que les gens viennent, pour que les gens viennent. La question maintenant, c'est combien de qualités des chrétiens avant nous. Je vous donne le lancement des filles. Qu'on organise des campagnes d'évangélisation, les gens viennent en grand nombre dans le stade, que le stade soit plein. C'est bon pour nos yeux qu'on met la caméra. Prêchez la sainteté et dites que je vous donne une pause, on revient. Si à la pause, quelqu'un va encore revenir. Je vous le dis, vous riez. C'est parce qu'on on aime voir le monde. Quand on voit le monde, ça fait notre gloire. Oui. En disant que j'ai prêché devant 1000 personnes, 10 personnes, 10 000 personnes. Ça ne m'influence nullement. Mon rôle, parce que la Bible, on n'a pas dit qu'il y a de la joie devant Dieu de prêcher 1000 millions. Non. On a dit qu'il y a de la joie pour qu'une âme qui est sauvée. Oui. La question c'est qui est sauvé parmi les 1000 qui sont rassemblés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, prêcher la sainteté au milieu de l'église. Et voilà ce qu'il en est. De la croisade. Il dit de la croisade. Oui. Il dit maintenant que femme, répentez-vous. Maintenant, vous tous qui êtes en pantalon, en boucle, là, haut là-bas, vous devez nettoyer cela et vivre dans la sanctification. Vous qui avez les petits amis, essayez le faux cheveu là, enlevé. Il dit maintenant que pause, prenez de l'eau, on revient pour continuer. Ça va, vous dites que ça va bader par la suite. Arrive. Quand vous allez tourner au stade, vous allez avoir honte de monter encore la caméra là-bas. Vous saisissez, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, l'être humain par nature n'aime pas qu'on leur dise la vérité, qu'il va les blesser. Il n'aime pas ça. Tu n'auras pas d'amis. Voilà. Il n'aime pas quand tu leur dis, la vérité. Vous me suivez? Quand vous allez dire la vérité, ils vont te dire comme ça, le coup gars, la vie dérange. L'apôtre en a, il a dit à Galates chapitre 4, verset 19, que suis-je devenu votre verset 16, suis-je devenu votre en vous disant la vérité. On dit que le pauvre Paul là il dérange. Qu'est-ce qu'il y a donné qu'on ait sa prédication est dure. Mais il devrait dire ça de cette manière-là. Parce que le roi du ciel est libre. Mais ce n'est pas facile. Amen. C'est pas facile. Si on a dit que c'est le beignet haricot, just believe, Jesus Christ. If you believe, you must act on the word. Tu dois vivre, you must live accordingly. On doit vivre d'après la parole. Amen. Oui. Une préoccupation, vraiment. Vraiment. Ce qui me surprend encore un peu plus au niveau de la richesse des hommes de Dieu, disons des croyants, disons la pauvreté des chrétiens, si pour dire vraiment chrétiens. Parce que Agé 2,8 dit que l'or m'appartient, l'argent m'appartient, dit l'Éternel des armées. Donc maintenant, quand quelqu'un devait être un bon chrétien, mais puisque Dieu est son père, mais il devait avoir tout l'argent de son père. Bien ça, donnez le micro. J'aime les échantillons. Donnez le micro, je vais lui poser la question, elle me répond. Agé chapitre 2, verset 8 dit quoi? L'or et l'argent m'appartient. Ok. L'or là et l'argent. L'argent là, c'est quelle monnaie? Le dollar, le CFA, le shilling, le livre sterling ou quoi? C'est de quelle monnaie? Je ne sais pas. Agé 2, 8 là, puisqu'on est là-bas. C'est quelle? Quand tu parles. Ah, en tant qu'être humain, je sais qu'on utilise l'argent. Donc, dormir sur ces dollars, c'est la même chose. Donc, je sais pas, c'est l'argent. Maintenant, cite-moi une chose qui est sur cette terre, qui n'appartient pas à Dieu. Non, tout appartient à Dieu. Donc, c'est pas seulement l'eau et l'argent. C'est pas seulement l'eau et l'argent. Tous les chrétiens ont les maisons. Non. Comment tu dis encore, frère? Tous les chrétiens ont les terrains. Non. Tous les chrétiens ont des maisons, je voulais dire. Non, non. Pourtant, la terre appartient à son Père. Exactement. Il a dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle rend en fer. Nous sommes d'accord, non? Nous sommes d'accord. Ok. Parce que je t'intéresse dans l'aspect argent, ma thèse, m'intéresse à tous les aspects. 99% des chrétiens louent dans une maison construite par les mondains. Vrai ou faux? Vrai. Les mondains ont eu le terrain, là, ils sont allés chez Dieu, vous pensez ça? Hein? Non. Alors je pose la question. Quand il dit l'or et l'argent m'appartient, quand Jésus était sur la terre, il travaillait. Quand on a bloqué qui paye les impôts, il a pris l'argent où? Dans la bouche du poids. Le poisson travaille l'argent, frère. Ok. L'apôtre Pierre, quand Jésus l'a laissé, quand il partait au tard, on lui a demandé l'argent, il a donné 5 francs. Il n'avait même pas. Non, ça fait du 3. Pourquoi il n'a pas donné l'argent là? Pourtant, l'or et l'argent appartient à son père. Frère, réponds-moi, on arrive. Le frère dit, c'est là où il y a un problème. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais l'apôtre Pierre dit là-bas que je n'ai ni. Il a cité même le même verset. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Les pentecôtistes de Jésus disent, ça veut dire que tu fais une mauvaise confession. Les pentecôtistes de notre ère. Si tu dis, ça veut dire que tu fais une mauvaise confession. En faisant ça, l'argent ne viendra pas. Voilà. Ils vont confesser maintenant que j'ai l'argent. J'ai l'argent. Que confesse by faith. If you don't see, God will bring it to pass. C'est pas comme ça, Dieu ne fait pas la sorcellerie. Tu as confessé pour être sauvé avant d'être sauvé? Non. Quand il mourra à la croix, tu étais avec lui? Non. Avant qu'on te naisse, il te connaissait, tu connaissais? Non. Fais donc attends. Attention. Ce n'est pas par notre confession, par la suite de notre confession qu'on va faire cela. Si vous lisez le livre de Job, quand quelque chose lui est arrivé, il dit que nu, je suis sorti devant de ma main, nu, je rentrerai, je n'entrerai. Il a même maudit le jour de sa naissance. Dis ça à un chrétien de Jésus, il dit non, ne pas dire des choses comme ça. Ça a empêché que Dieu l'a puni encore pour doublement. Non. Si c'est les gens aujourd'hui, il va dire effectivement que ça ne va pas. Donc il faut faire confiance. L'apôtre Pierre a dit que. Oui. L'apôtre Pierre a dit l'or et l'argent, je n'en ai pas. Donc c'est quoi l'argent là-bas? Dieu ne m'a pas donné. Mais il m'a donné ma part. Oui. Le dunamis. Le nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça, si vous donnez l'argent à ce monsieur-là, il est susceptible que demain vous venez encore donner l'autre argent. Ça ne doit pas l'aider à arrêter ses projets. Maintenant, comme là, ses pieds peuvent marcher, aller chercher ses projets. Donc l'apôtre Pierre lui a donné le plus qu'il avait besoin. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Donc l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça ne veut pas dire que tous les chrétiens doivent être riches. La Bible va plus loin pour dire que parmi vous qui avez cru qu'il n'y a pas beaucoup de nobles. Amen. C'est ce que la Bible donne comme exhortation. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit aux riches de ce siècle d'être riches en bonne œuvre. Qui comprennent que Dieu leur a donné cela pour qu'ils partent. Ce n'est pas pour eux qu'il a donné. Tu as vu un jour, tu es allé en puisant l'eau du robinet, le robinet boit l'eau. Est-ce que le robinet boit l'eau, frère? Le robinet fait quoi? Il fournit seulement. Donc un riche est un fournisseur pour les pauvres. Et Jésus a dit que vous aurez toujours les pauvres parmi vous. Il dit que vous aurez, c'est une prophétie. Ne pas amasser un piège tout en bas. Absolument. D'accord mon frère? Donc, alors, la Bible déclare que celui qui va insulter le pauvre outra celui qui l'a fait. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Tu, à l'instant, tu dis à un pauvre, même pauvre type qui vient insulter Dieu, pas lui. Oui. Dieu a mis les pauvres parmi nous pour qu'il y ait l'assistance. C'est pour ça qu'on parle de liberté en milieu chrétien. Si tous avaient de l'argent, on n'a pas besoin de s'entraider. Oui. C'est ainsi donc, au milieu chrétien. Et Romains chapitre 12, verset 8 et 9 parle des dons de libéralité. La 1 Corinthiens 12 parle de l'assistance au sein. Dans 1 Corinthiens 7, on dit que pour ce qui concerne l'assistance, les dons destinés au sein. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Autre question? Oui. Donc, mais comme il a le micro, il finit. Ou bien? Je voudrais. Ma question revenait au niveau de la prophétie de la dernière fois. Oui. C'est une question qu'on avait gardée. Oui. Oui. Que quand nous parlons de prophétie, quand on est sûr que la prophétie est donnée par un bon prophète de Dieu, oui. Est-ce que cela s'accomplit toujours? Oui. Bonne question. Donc prenons ici. Prenons les questions. Il veut les répondre rapidement. Oui, la question. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je voulais, bon, en ce qui concerne, bon, ceci n'est pas dans ces, mais c'est selon les enseignements. Oui. Je voulais savoir en ce qui concerne la délivrance. Oui. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre la délivrance? Bon, pour qui? La personne qui délivre, non. Mais la personne qui doit être délivrée. Non, la personne qui a besoin, par exemple, vous avez d'être délivré, oui. Puisque vous avez parlé des connexions, ça oui. Des, comme le, comme du, pour l'hôtel là. Pour les hôtels là. Oui, pour les hôtels dont on s'est attaché. Comment on fait pour être délivré? Bonne question. Donnez, donnez. Comment on parlait déjà de l'argent là? Oui. Moi, je oui, enchaînez dites-moi toutes les questions. Il y a quelqu'un aussi derrière qui veut la. D'accord. Ça veut dire que en réunion des frères. Oui. Autrement dit, on ne devrait pas prendre de l'argent. Absolument. Puisque tu n'as pas de base biblique. Il n'y a pas un seul verset qui peut soutenir avec. Voilà. Et là, même ma deuxième question. Oui. Comment l'évangile oui. est-il donc financier? Vas-y, frère, je lance ma grâce à Dieu pour cette question. Il lève la main, je vais invoquer Dieu sur toi. Oui, comment l'évangile est-il financé? Oui. Et. Comment est-ce qu'on assiste dans les saints en ce moment-là? Voilà. Et oui. Bon, je vois que ta question relie encore cette question-ci. Oui, donc, je vais prendre toutes les questions une fois. Juste ask a question, mommy. Alléluia. Amen. You said last time that we, that people that are, because I'm a hairdresser. Yes. My profession. Yes. So, you mentioned something concerning prudence. Yes. And I was wearing that day. Yes. So okay, let me just stop and answer your question. When you put the product on people's hair, do you use your proper hand? Sometimes I use my hand, sometimes I use blue. After it burns you? Yes. Uh-huh. But is this good for you to bronze you? It's not good. Yes, ask your question. So now that I wanted to defend to it. Yes. How can you do it? Just go before God, because He has given you some favor before the foundation of the earth. He will give, He will guide you and direct you. Amen. Amen. La question est la plus facile. Celui-là voulait poser des questions. Donnez-lui le micro. Lui, ça ne l'a pas laissé dans son cœur. Amen. Amen. Je voulais savoir si cette affaire de Noël oui. est biblique. Bon, tu as vu ça dans la Bible toi-même. Non. Si ce n'est pas biblique, tu ne vas pas dire ça. Ça ne trouve pas. Je demande si un chrétien. Le gars. La fête de Noël est devant lui en grand corps. Il cherche à négocier pour voir ce que tu dis. Je sais qu'un chrétien ne va pas fêter Noël. Oui. Mais je voulais. Ça va pourquoi? Il y a l'enseignement là-bas. Je crois que papa va vous donner cela. Il y a l'enseignement bien clair avec l'origine et pourquoi, d'accord? Oui. Et pas seulement, il y a l'enseignement sur les différentes fêtes de fin d'année. Oui. Et j'ai même oublié parce que quand on a parlé d'hôtel tout à l'heure, oui. il y a quelque part dans le livre d'Hébreux qui dit que c'est hébreu. Ou bon, que approchons-nous du trône de grâce oui. de l'Éternel avec. Avec un cœur sûr, assuré, assuré. Hébreux chapitre 4, verset 16. Voilà. Bon, moi, je me demande où est le trône de grâce de Dieu en ce moment. Comment on s'approche? Bonne question. Je veux comprendre. Bonne question. Maintenant, quand. Non, je te réponds, pose la question directement. Quand tu dis maintenant que nous réunissons dans la présence de Dieu, sa présence est où? Au milieu de nous. Si vous êtes dans le manguier, ça se trouve où? Je ne sais pas si c'est sous le manguier. Non, il dit, non, si vous êtes sous le manguier, où il se dit, il faut que vous évoquez le nom du Seigneur Jésus. Mmh. Et il a promis que si vous évoquez n'importe où il est là. Si c'est dans la chambre, quand vous dormez pour évoquer son nom, il est là. Oui. C'est sa présence aussi là. Donc ça veut dire que sa présence se déplace. Oui. Et en réalité, c'est toi qui te déplace avec sa présence. Oui. Voilà. Parce que it is, the Holy Spirit is in dwell. He dwells in us. Christ in you, in you, the hope of glory. Donc c'est toi en réalité qui amène la présence du Seigneur. Quand tu amènes quelque part, la Bible déclare que nous respirons la bonne odeur de Christ. La bonne odeur pour ceux qui sont sauvés et pour la mort pour ceux qui se perdent. Donc quand j'entre dans la maison, c'est pour ça qu'il a dit quand j'entre quelque part, qu'il dit paix sur cette maison. Et puis, il n'a pas dit la paix de Christ ira. Il a dit que votre paix ira. Votre paix. Donc je viens avec la paix, le messager de la paix. Amen. Amen. Donc, Amen. Quand nous invoquons le Seigneur, j'invoque la miséricorde de Dieu n'importe où. Parce qu'il a dit dans cette psaume 50 là-bas, il dit que accomplis tes vœux et invoque-moi au jour de ta détresse. Il n'a pas dit lorsque vous allez vous réunir, vous invoquez-moi pour la détresse. La détresse n'importe où. Vous appelez le nom du Seigneur, je dis n'importe où, ça marche. Donc en réalité, le lieu très saint se trouve en profondeur là-bas lorsque Dieu a, Christ a établi son règne sur ton cœur. Tu te déplaces avec lui. Quand vous comprenez ça, vous comprenez là pourquoi. Si vous versez l'alcool chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas aller à l'intérieur. Amen. Parce que là-bas, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs n'aiment pas boire l'alcool et entrer dans la présence de Dieu. Parce que l'âge de l'heure était là-bas. Amen. Le lieu très saint. Parce que c'est entré là-bas pour c'est le feu celui. Mais le lieu très saint a quitté l'endroit là-bas, entré dans le cœur. Les pasteurs versent l'alcool sur ce lieu très saint comme ça, c'est-à-dire. Ah. Il dit seulement interdit. Ce n'est pas ce qui entre qui celui-là. Voilà. si c'est pas ce qui est en plus sur l'homme, dans ce cas, il ne peut pas dire un fumeur, il ne peut plus fumer. Hein, parce que tu peux dire quelqu'un que fume, c'est bon. S'il décide le même verset que ce qui entre, il ne fume pas, il tisse moi un cigarette. Tu peux essayer de t'en sortir. Alléluia. Comment, frère? Donnez l'alcool. Ne fais pas quelqu'un ce que tu ne voulais pas compter. Ça règle le problème, n'est-ce pas? Voilà. On avance ici. Oui. Les questions sont finies. Tu peux commencer à les répondre, n'est-ce pas? Oui. Donc, pour Noël, c'est réglé. Vous avez la situation ici. Oui. Pour maman, elle va aller devant le Seigneur. Permettez-moi de revenir sur le cas de maman. Son cas se situe dans l'antipode de l'église, de la parole. Que lorsque tu as cru de la bonne façon, il y a des métiers que tu ne dois pas pratiquer. Si tu es prostituée, c'est dans les boîtes de nuit, tu dois quitter. Parce que ce sont les endroits qui n'en ont pas Dieu. Il y a l'emploi qui n'en ont pas Dieu et l'emploi selon Dieu. Donc c'est la responsabilité des chrétiens. C'est là où il faut chacun de nous une séparation. Quand vous voulez suivre Dieu de la bonne façon, il y a des choses que vous devez déjà mourir. Ça doit vous séparer, ça vous fait mal. Dieu ne donne pas la promesse quand tu vas quitter de l'autre. Il va te former comme il veut, il te donne quand il veut. Vous voyez? Si vous lisez votre livre d'Actes des Apôtres, chapitre 17, il y a un nommé Démétrios. Au chapitre 19, là, de Démétrios qui était offert. Il fabriquait avec les sables le temple des mains de la déesse Diane. Et il faisait, on dit que c'est une industrie. Une industrie. Comment est-ce que vous dites ça? Donc, c'est à l'échelle, par exemple, des grandes industries ici, là. Alors, il dit qu'il a réuni tous ceux de son association, donc c'est le syndicat. Tous ceux de son même métier. C'est le syndicat de défense des statuettes. Il a dit que gars, c'est fort. C'est si on accepte ce que le gars a dit, il a compris la vraie chose que prof Michel. Il dit, ça veut dire clairement que l'autre travail, c'était. Il pose la question à l'aide. Toi, tu as combien d'enfants? Il dit, 6. Toi, tu as combien de familles à nourrir? 20. La gamme est venue contre toi, elle dit oui. Toi-même, comme ça, là, le nombre de personnes, tous, la vie dépend de cette industrie. Oui. Dieu s'en fout, vous devez quitter l'idolâtrie, ou bien vous devez faire quelque chose. Vous avez vu, n'est-ce pas? Amen. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne veut pas, il faut qu'on traite la peau de procès, la peau de procès, venir, même dire la vérité. Il veut voir le oui. Oui, donc ça veut dire que c'est la peau de procès. Si vous essayez d'accepter ça, voilà le business qui va entrer. C'est ainsi dont les chrétiens n'aiment pas entendre cela. Quand on dit que vous ne voulez pas chourer les cheveux, mais moi, ici, quoi faire? Maintenant, tu vas faire comment? C'est ton problème avec des vagues, souvent dit. L'apôtre Paul a dit à là-bas que les dieux faits de mêmes dons ne sont pas des dieux. Et là, comme ça, il a quitté le parti. C'était leur pro. Il leur a quand même dit la vérité. Donc maintenant, si quelqu'un ramasse le sable pour venir pour verser celui qui tourne le béton, celui qui peut acheter le ciment pour mettre, tout cela dans la chaîne là sont des idolâtres. Chacun, même le camionnet qui forcément pour venir vibrer, était un coupable devant Dieu. Ne me regardez pas comme ça. Il dit ici. Le cas de Démétrios qui est là dans la Bible. Ce sont ceux qui arrangent les statuettes pour que les gens mettent à la maison pour adorer les statuettes. Et Dieu dit, c'est une chose abominable. On vient prêcher maintenant que les dieux, là, vous faites, vous devez arrêter ça. Arrêtez ça. La personne qui fait ça pour fabriquer avec la main, c'est l'un des partisans de cette chaîne. C'est une chaîne. Il y a des gens qui partent chercher le sable. D'autres qui achètent. D'autres qui achètent le ciment. D'autres qui utilisent la peinture, le mélange. D'autres qui font et d'autres qui réalisent. Cette chaîne-là est constituée des idolâtres à des degrés différents. Mais ça, c'est ici. De la même façon que je pose la question, vous pouvez la recevoir, vous dites non. Vous pouvez ouvrir une boîte de nuit, un bar, vous dites non. Si vous dites, je bois de l'alcool, mais je ne peux pas ouvrir un bar, vous témoignez contre vous, quelque chose ne va pas là-bas. Il dit, si vous dites que vous êtes chrétien et que vous ne pouvez pas ouvrir un bar, mais que vous dites que vous buvez l'alcool de ces bars, vous êtes un hypocrite. Ouvre le bar. Tu mets bas chrétien, écris que Canaan, le premier miracle de Jésus, comme les autres, ça va dedans. Ou bien solution bas. Tu fais n'importe quoi. C'est pas ce qu'on écrit. Le premier miracle. Tout le monde, même les mondes, ils ne connaissent même pas l'ordre. Tu dis que le premier miracle de Jésus, c'est quoi? Tu dis que c'est ça, l'eau en vrai, alors. Tout. Chacun peut se défendre avec la Bible. Comme tout à l'heure, ma sœur s'est défendue avec la femme. Mon frère a dit que Dieu a ouvert trois sociétés. Oui. La poissonnerie. Oui. La brasserie. Oui. Avec la boulangerie. La boulangerie. Voilà ce qu'ils disent. Vous êtes non, soit. Ah, que Dieu nous aide. Alors, comment tu peux voir cela et tu refuses d'ouvrir? Parce que je sais qu'il y a un problème. Alors, la personne qui conduit seulement l'alcool, il passe de maison à maison, il vient plus bim. L'autre qui porte seulement le casier, qui cherche seulement le casier là-bas, les charges. L'autre qui sait seulement qui porte, vous êtes, moi je ne vois pas, il passe seulement servir, toi, il faut avoir mon argent. Vous êtes tous des sous-lards. Chacun a son degré. Vous êtes tous des sous-lards. Chacun a son degré. Donc, alors c'est ce qu'il en est. Pour le travail, vous devez chercher le travail qui honore Dieu. Si vous aimez Dieu et que vous voulez le servir. D'accord? Remarquez tous les disciples de la Bible, le travail qu'ils faisaient. Quand ils faisaient un travail, c'est un travail qui n'est pas compromettant. Qui n'est pas compromettant, oui. Regardez Lévi. quand Lévi a cru, il devait quitter le péage. Je t'ai dit que... C'est pas ça, frère. C'est vrai. Il a laissé là, il n'a pas dit qu'il n'y avait pas l'argent. Même Mathieu. C'est celui dont tu parles, Lévi, chez lui. Ah, okay. Donc, lorsqu'il a cru, il a quitté seulement parce qu'il comprenait que là, c'est grave. Parce que la corruption se passe là-bas, il ne va pas tenir. Oui. Je voulais dire, homme de Dieu, quand nous lisons vraiment dans la Bible, le premier miracle de Jésus, vrai, c'est transformer le vin, l'eau en vin à Canaan. Oui. Et maintenant, quand Jésus voulait nous quitter pour aller au ciel, la dernière chose qu'il a fait avec les disciples, c'était de rompre le vin. Et c'est ça qu'il a fait en dernier avant d'aller au ciel. Oui. Il a bu le vin, il a mangé le pain avec ses disciples avant de se séparer avec eux. Si vous, quand vous allez lire bien votre vie, vous allez remarquer qu'il n'a pas bu le vin le soir. Il a bu le jus, le fruit de la vie. La Bible a utilisé le terme, la terminologie fruit la de la vie. La quoi maintenant hein? Mais tout à l'heure, tu as dit que c'était le vin. On a prononcé le vin parce qu'en. Non, non, c'est pas prononcé, c'est qu'il n'y a pas le vin. Wine en anglais, le fruit de la vie, c'est ce qui est écrit. Parce que j'ai lu dans un. Tu as cherché là où ça veut. Tu fais des trucs, ça donne le vin, non? Ok, passez. Non, non, non. Ah non, lisons en français, comme ça en français, mais lisons. Luc chapitre 22, allons-y. Donc, elle cherche en anglais, ça va donner wine pour lui. Donc, attendons. Elle a lu fruit de la vie, elle dit que ouais, on va faire comme ça donne le vin. Elle a dans la version anglaise, ça va donner vin. Maintenant, elle laisse la version française, elle transforme, elle part en anglais avant de revenir en. Ah, vous allez me tuer. Bon. Ça, c'est Luc chapitre 22. Mais, tu peux pas aller avec cette écriture qui est petite comme ça, là. Parce que j'ai comme je l'ai vu. Ok, lisons à partir du verset 15, là. Et les 12 apôtres avec lui, il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette pâte avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais de fruits de la vie. Stop. Tu as vu ce qui est écrit? Oui. Voilà. Quand il parlait de vin, on a mis vin. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et le vrai problème, c'est que dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, on a mis toujours fruits de la vie. Aucun n'a changé. Donc c'est une autre signification. Alors, maintenant, jusqu'à. Je vous le dis, je ne la. Non, comme il a rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc, quand le royaume de Dieu va venir, il va boire encore de nouveau. Vous connaissez ce que dit le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Donc, dans le royaume de Dieu, on va boire la vie, le fruit de la vie. Bon, regarde-moi. Donc, tu penses qu'au ciel, on va boire l'alcool? Mais il est quand il va venir, non, pas l'alcool. Quoi donc finalement? La vie. Donc, donc tu parlais parce que c'était la question qui était derrière, c'est parce que c'était alcoolisé, non? Oui. Donc ce qu'on va boire aussi, sera alcoolisé? Non. Ça ne sera pas alcoolisé? Non. Mais il a dit qu'on va boire, c'est qu'on a de boire, ce qu'il a de boire. Ça va finir, il va encore boire de nouveau. Quand il va venir, on va boire encore de nouveau. La même chose. Donc ça veut dire la chose qu'il a de boire, c'est la même chose qu'il va boire plus tard. Voilà. Alors, le fruit de la vie, le jus du raisin, c'est le symbole du sang. Et ce symbole de la justice. Le simple bon sens voulait que les gens puissent comprendre cela, le pourquoi c'est le fruit de la vigne non alcoolisé. La Bible déclare que c'est le symbole du sang. Le raisin, c'est le symbole du sang. C'est le symbole de la justice. Et c'est à cause du sang qu'on a été justifié. L'alcool vient par-ci des fermentations qui est le symbole du péché. Bon, il y a l'enseignement par rapport à cela, la Sainte Cène. Comment ça doit se prendre la période ainsi de suite. On peut avancer maintenant. Bon. Non, je dis s'il y a l'enseignement concernant cela, que c'est traité. Maintenant, on était à quelle question? On était à la question de quelqu'un ici. On n'a pas encore la prophétie. Je voulais finir comme ça avec le problème du travail. Donc, lorsqu'on travaille et que vous vérifiez que le travail n'honore pas Dieu, demandez au Seigneur de vous donner le travail qui lui plaît. Que d'aller travailler dans l'iniquité. Et si vous travaillez dans l'iniquité, vous allez d'avancer l'œuvre de Satan, l'œuvre de l'ennemi. C'est pour ça qu'il est important que chacun trouve ce à quoi il a été appelé pour s'atteler à faire cela. D'accord, cher frère? Voilà, c'est terminé. Avec votre maman, ça c'est bon. Maintenant, on avait pris ici, c'était la délivrance. On va arriver avec ceci. La prophétie. Avec ce que le frère a parlé, il dit comment, si quelqu'un s'ouvre, comment faire la collecte pour que ça puisse parvenir. Regardons ce que l'apôtre Paul a dit. Comment comment financer l'évangile. Et comment financer l'évangile. Prenons Luc chapitre 8. Luc le chapitre 8. Fais le pôle. Okay. Tu es tellement content que tu as même soulevé le pantalon. Que Dieu te bénisse. Luc chapitre 8. Si vous regardez votre verset, vous allez remarquer très bien que Jésus, la Bible déclare que Jésus parcourait de village en village et de ville en ville annonçant le royaume de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que le verset 1 dit. Le verset 2 dit, plusieurs des femmes qui avaient été guéries des maladies, d'autres des démons, on a cité leur nom, Marie, dite de Magdala, de qui avait été chassé 7 démons, et la femme de Cusa, l'intendant, Suzanne, la femme de Cusa, l'intendant d'Hérode aussi, et suivait Jésus Christ, et l'assistait, et beaucoup d'autres femmes, et l'assistait de leur bien. Vous avez vu ça, frère? Voilà les femmes qui allaient. Mais vous ne verrez nulle part où Jésus a dit que venez lui donner. Qu'est-ce qui poussait à ce qu'il venait le faire? L'amour pour le Seigneur. C'est donc pour cela qu'au milieu chrétien, on parle de libéralité. Il faut juste enseigner les chrétiens de la bonne façon. Il y a la gestion des finances, du patrimoine chrétien, selon la Bible. Je ne sais pas si c'est ici qu'il avait dit que lorsque vous êtes chrétien, tout ce qui vous concerne devient chrétien. Les gens ne comprennent pas cela. Les gens disent, je prends ma vie, je donne à Dieu. Je prends mes problèmes, je donne à Dieu. Mes difficultés, je donne à Dieu. Puis j'ai chanté Alléluia, Amen, Amen. Hé, hey, sur la croix de Golgotha, il a payé. Oh, sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour mon mariage, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour ma santé. Il a payé sur la croix de Golgotha. Il a payé. Alors, dans toutes ces chansons, ces répétitions, vous allez voir effectivement que et qu'il prend sa vie, il donne au Seigneur. Il prend ses difficultés, il donne à Dieu. Le compte en banque, il ne donne pas à Dieu. Le porte-monnaie, je donne à Dieu. Vous avez entendu ça dans la chanson là? Non. Ah, parce que le porte-monnaie, il va dire c'est mon art, mon argent. Donc il a donné tout à Jésus, sauf là-bas. Il a un problème avec maman. La Bible appelle que ce genre de cœur est cupide. C'est maman. C'est pour cela que lorsque, si on prêche la Bible, si on prêche sur l'état des finances de l'église, vous allez voir que 99% des chrétiens sont cupides. Parce que si vous dites que nous sommes membres les uns les autres, la Bible déclare que dans ce livre de 1 Jean chapitre 3 verset 17 et suivant, que comment l'amour de Dieu peut habiter dans notre cœur. Il commence au verset 17 en disant que, petits enfants, il dit aimons avec action et vérité. Il dit si quelqu'un possède le bien de ce monde et voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment? Donc un frère sera en train de souffrir au milieu de nous comme ça. J'ai un compte en banque de 2 millions que j'attends que mes enfants grandissent pour qu'ils les envoient à l'école. C'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas la sorcellerie. Vous me regardez comme ça, vous ne voulez plus qu'il fasse ça. Mais il faut que je vienne sur ce. Si vous voulez, on passe seulement un enseignement sur les finances, la gestion des finances chrétiennes. Comment le chrétien doit se comporter avec le bien matériel. Vous allez savoir maintenant que beaucoup de chrétiens sont possédés par l'esprit de cupidité. C'est pour ça qu'on va toucher maintenant. C'est pour cela que, hein, quand vous êtes dit comme ça, les gens sont obligés d'utiliser le mensonge pour vous enlever ça. Il dit que j'appelle 30 personnes ici. Hey, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Il sait ce qu'il va te faire. Hein, comment? Dieu m'a dit la nuit. Que seulement un seul geste prophétique, comme j'ai piétiné ici. Si tu mets un Dieu, d'abord il y a les enveloppes qu'on a confectionnées. Celui qui donne 500 000, et je proclame que ton miracle va sortir, tu sors, il dit que mouille. Si tu demandes que tu donnes le parti, tu ne peux pas donner. On est obligé de trouver les stratagèmes comme ça pour faire donner de l'argent. Pourtant, ça ne devrait pas être comme ça. Amen. Ça ne devrait pas être comme ça. Il faut seulement enseigner aux enfants de Dieu que la Bible déclare que celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. Amen. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Puis il dit, on ne se moque pas de Dieu. Les chrétiens à 90% se moquent de Dieu. Ils appellent, tu me poses la question, comment faire pour l'œuvre de Dieu avance? Maintenant, je suis fait pour être prédicateur. Je dois prêcher. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4 que, en donnant des révélations que plusieurs fois, quand il était dans la détresse, les Philippiens furent les premiers à lui envoyer le secours. Amen. Quand ils ont envoyé, on n'a même pas entendu parler qu'ils avaient envoyé. C'est quand il avait dit là-bas, pour qu'on sache que ils avaient envoyé le secours à l'apôtre Paul. Donc, puis dans 1 Corinthiens 9, il dit que nous avons semé parmi vous des biens spirituels. Est-ce quelque chose, si nous moissonnons vos biens temporaires, ceci était dur. Il dit que merde, l'apôtre Paul, il comprend quoi? Il ne comprend pas que la simple fois que la personne a admis, accepté de travailler, venir te prêcher la vérité pour qu'il quitte les ténèbres, il n'y a pas de prix à payer pour cela. Amen. Il n'y a pas de prix à payer pour cela. et hormis, si tu soutiens celui-ci, tu n'es pas en train de soutenir. Tu es en train de redédicacer ta destinée entre les mains du Seigneur. Parce que, écoutez très attentivement. Il ne s'agit pas de donner l'argent à l'homme de Dieu pour qu'il mette la main sur la tête. C'est la sorcellerie qui fait sur toi. Si cette personne s'est destinée à aller annoncer l'évangile en Chine, et que je regarde que la grâce de Dieu est sur lui, écoutez très attentivement. J'ai dit, mes 2 millions qui sont ici, je paie son Dieu d'avoir eu part. Chaque personne qu'ils vont être sauvés au travers de lui, mon nom est inscrit parmi. Amen. Vous savez cela? Amen. Chaque personne qui sera sauvée, partout va couler du fait que j'ai acheté son billet d'avion. Mon nom est parmi. Vous allez dire, ah, Seigneur, oh, l'homme de Dieu l'a prêché. Il a trouvé, beaucoup de personnes sont venues dans le royaume. Quand on chante le cantique là-bas, on va dire, il est venu comment? Comment il a fait pour aller en Chine? La réponse sera, celui-ci a payé le billet d'avion. On va toucher sur moi. Comment il a fait pour avoir l'argent? Celle-ci l'avait béni. La personne qui m'avait aussi donné 2 millions, là aussi à l'intérieur. Les bénédictions vont de connexion en connexion. L'apôtre Paul donc dit que j'ai planté, l'autre a arrosé, Dieu a fait croire et chacun recevra son salaire. Donc, toi qui as fini par grandir, va poser la question, celle-ci, comment ça, comment? On dit que Paul avait planté. Comment il a fait pour avoir arrosé? Il a planté, il est parti. Qui est venu? On dit l'apôtre Paul a arrosé. Ouais, ça, frère. Il dit, et chacun recevra de Dieu sa récompense, ce qu'il lui est dit. Donc, si on enseigne les chrétiens de la bonne façon, personne ne sera plus cupide. Vous allez comprendre la nécessité de donner parce que vous avez intérêt à donner. On dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et celui qui garde encore devient plus pauvre. Il faut enseigner tout simplement le chrétien de la bonne manière. Ça arrive. Si vous voulez, je suis prêt à enseigner là-dessus. D'accord? Alors, si on n'enseigne pas de cette façon-là, les gens vont utiliser les torts, les voies tortueuses pour vous situer de l'argent. Les gens sont crispés comme ça parce qu'on les a menti. Menti que dans l'enveloppe, tes cheveux arrivent, ça n'arrive pas. Parce qu'on n'achète pas les prophéties chez Dieu. On touche donc sa question maintenant. Donc, comment on s'aimer pour soutenir le ministère? C'est évident. Si l'Esprit de Dieu est derrière quelque part, il touchera le cœur pour que le cœur vienne en conséquence. D'accord, frère? C'est pas normal qu'un pasteur dise, venez soutenir le ministère, on construit. Les mêmes chrétiens qui ont construit achètent les chaises. Pour qu'il vienne s'asseoir sur une chaise, c'est un problème. Pour qu'il s'asseoir sur une chaise, c'est un problème. Lui, il va venir frustrer le même chrétien en disant que sort de mon église. Alors que lui, il a mis les mains de la situation là-bas. Le même pasteur, le même chrétien là, qui s'ouvre chaque jour pour balayer autre, pour rencontrer son pasteur, c'est un problème. Il faut qu'il signe des cartes. On regarde d'abord pour voir s'il a l'argent. S'il n'a pas l'argent, on ne l'accueille pas. Parce qu'on veut voir les ministres, on veut rencontrer ceux qui ont de l'argent. C'est de la sorcellerie au milieu chrétien. Donc la dernière fois, nous avons vu par rapport à ta question que est-ce qu'une prophétie dite par un homme du Seigneur, un homme de Dieu, doit toujours s'accomplir? J'ai répondu parce que l'apôtre Pierre a déjà dit. Il dit aucune prophétie ne peut être l'objet de la Bible, ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Car les hommes n'ont pas parlé par eux-mêmes, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et par conséquent, si c'est Dieu qui parle, le Saint-Esprit va l'accomplir. Chaque parole de l'Écriture que le Saint-Esprit va parler, ça doit s'accomplir. Chaque parole de l'Écriture. Mais Jérémie 21 nous dit qu'il y a des gens qui ont couru, que Jérémie s'est pas envoyé, mais ils ont couru. Donc il y a des gens qui ont couru par eux-mêmes, qui prophétisent comme ça. Donc lorsque vous voyez quelqu'un déjà qui était d'abord pasteur, après qu'il est devenu prophète, il faut commencer à vous en éloigner. Parce que prophète, on est prophète. Apôtre, on est apôtre. D'accord, mon frère? Bon, maintenant, si la femme de Actes chapitre 16 avait compris ce que les femmes ont compris aujourd'hui, c'est-à-dire que compris que la femme samaritaine, si elle avait l'issue de l'histoire des samaritains là depuis, c'est qu'elle avait quitté avec le ministère, elle a porté la colle blanche, avec l'onction qu'elle avait sur elle, l'onction de Python, puisqu'elle voyait clair. Actes chapitre 16, verset 16. Quand elle a vu la porte de Pierre et Jean, elle a dit que ces hommes-ci sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voix du salut. Elle était seulement derrière et la pauvre parler de que ces hommes, si vous voyez là-haut, ce sont les serviteurs de Dieu très. Elle mentait. Non. Maintenant, supposons qu'on maintenant elle portait la colle blanc, le col blanc. Elle vient. Elle dit, je vois ici dans ce milieu si telle personne a tel problème. Tu sais que c'est exactement ton problème. Dit, ton nom, c'est telle personne. Ton numéro de caractère de ton sorti, tu dis, mais comment est-ce que tu peux savoir? C'est le piton quand même. Prophétesse. C'est ça qui est. C'est en plein dans le milieu de l'église. C'est en plein. Hein? Donc. Il y a l'enseignement sur la place et le rôle de la femme dans le dessein de Dieu, le plan de Dieu et dans l'église. C'est là-dedans. Il y a un autre enseignement sur prophétie et divination en milieu chrétien. C'est à cause de ça qu'on a bloqué, fermé, qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles. Les pasteurs appellent pour dire que non, celui-là, c'est même qui? C'est quatre séances. Il y a un autre enseignement, le berger selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que le pasteur selon le cœur de Dieu? On a fermé l'émission jusqu'à ce qu'on joue dans la musique là-bas. Parce qu'on a dit la vérité. Donc prenez cet enseignement, vous écoutez, blessed afternoon, le berger sur le cœur de Dieu, ou une prophétie et divination. Comment reconnaître une prophétie qui vient de Dieu et un prophète qui ne vient pas de Dieu? Tout est développé là-bas et c'était à la radio. D'accord? C'est quatre parties. Vous avez cela? Quoi que vous prenez, tu vas le donner cela. Oui, il y a les enseignements. Voilà, prenez tout simplement, vous écoutez. Oui. Dans l'ordinateur. Oui. Il y a encore la question là derrière. Yes, you better speak the microphone now. Yes. Just speak the mic. A man of God wants to know why some churches have difficulties in giving. Okay. And again, secondly, is it how can use that what is happening when you don't have good leadership? Yes. And authority inside the church. That's good. Because I know causing disobedience. Yes. And when you cause disobedience, when you are poor, start to complain. Yes. Thank you. Amen. Deux questions. Pourquoi certaines églises sont dues comme ça dans le donner? Deuxième question. Pourquoi dans certaines églises, le leadership a des problèmes? Ça cause le désordre au point où les gens sont dans la désobéissance. Donc là, la rébellion. C'est le mot là-bas. Les gens dans la rébellion. Plusieurs facteurs. Et l'un des principaux facteurs, c'est ceci. Qui est à la place de qui? Ou bien, est-ce que quelqu'un est à sa place? Il faut que chacun trouve sa place. Vous voyez, quelqu'un commence à marcher avec la main, c'est un handicapé. Le corps de Christ n'est pas handicapé. Le corps de Christ n'est pas handicapé. Quand quelqu'un marche déjà avec la main, c'est un handicap. Normalement, on doit marcher avec les pieds. Et les pieds vont faire la fonction de marche. Si quelqu'un mange avec son pied, c'est un handicap. Parce que le pied n'a pas été destiné pour manger. Si on pèse le trou de quelqu'un, on sait pour que les unis sont, il y a un problème. On n'a pas fait exprès qu'on pèse le ventre pour que quelqu'un puisse pas son ventre. D'accord? Voilà. Alors, cela dit, lorsque pose la question, pourquoi certaines églises donc sont nonchalantes comme ça dans le donné? La question vient en rejoignant la deuxième. Ce qu'on appelle le leadership, le terme leadership, ça parle de sens biblique. Les conducteurs de l'église doivent être établis par le Saint-Esprit. Si les conducteurs sont établis par le Saint-Esprit, ils feront l'œuvre du Seigneur. Par conséquent, ils enseigneront le chrétien à donner de la bonne manière, les gens vont se mettre dans la libéralité. Remarquez, 1 Corinthiens 16, nous avons lu le verset 1 à 4. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné. Écoutez bien le mot. Je l'ai ordonné aux églises de la galaxie. Et on a vu quand on dit que église au pluriel, c'est différentes églises. Donc il a donné les mêmes instructions. Personne n'a rejeté. Parce qu'on connaissait comme étant apôtre. Parlait par l'Esprit de Dieu. Alors c'était indiscutable. Il dit, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la galaxie. Et au chapitre 4 de 1 Corinthiens, au verset 17, il dit, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant légitime dans la foi. Il vous annoncera la voie, comment j'enseigne dans toutes les églises. Donc l'apôtre le frère Timothée devait reconduire les mêmes enseignements que l'apôtre Paul enseigne. Que voici comment il enseigne, il dit comme ça, l'apôtre Paul dit comme ça. Je marche avec lui. En Galatie, il a dit telle chose. C'est pour ça qu'au Corinthiens, il envoie dans 1 Corinthiens 14, il dit que les femmes n'enseignent pas. Alors qu'à Éphèse, il avait dit à Timothée que les femmes ne doivent pas enseigner. Timothée connaissait cet enseignement. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Alors, le problème donc se trouve dans Romains chapitre 10, des Romains. Si vous lisez Romains chapitre 10, après le verset 13, où on écrit là-bas que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Après, une série de questions vont commencer. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas donc cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment quelqu'un prêchera-t-il pas s'il n'est en? Donc le vrai problème, c'est qu'il faut que quelqu'un soit envoyé. Pour qu'il prêche quelque concernant une paix et que la personne qui va écouter maintenant puisse croire. Donc le problème, c'est les personnes envoyées. C'est ça qu'il dit. Les personnes ont-elles été envoyées par Dieu? Il a dit dans le livre de Luc, chapitre 10, que prier le maître de la moisson d'envoyer des moissonneurs à sa moisson, des ouvriers à sa moisson. Alors ce n'est que lui qui peut envoyer. Il a dit, celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles du Seigneur. Les gens se sont trouvés donc, dans ce ministère croyant que c'est du business. C'est pour ça que d'autres disent que les affaires, qui font des affaires en milieu chrétien, que ce sont les affaires qui sont les faits. Parce que j'ai dit que Dieu va m'occuper des affaires de mon père. Ils ont dit que God's business en anglais, que God's business. Ils sont devenus faire business. Ils ont transformé ça en business. Alors ils te vendent les cartes de baptême, vendre le calendrier avec l'effigie de l'homme de Dieu, vendre les nez collants, vendre les autocollants, vendre les chaises. Il y a même les chaises des églises où tu t'assois par prophétie. Quand tu t'assois là-bas, c'est que ton année ne sera plus la même. C'est pas la sorcellerie ça ou c'est quoi? C'est pas ça. C'est pas ça, mes chers. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas amener le chrétien. Donc, on trouve l'effigie en disant qu'en faisant telle chose, ça va déclencher ta bénédiction cette année. Le secret n'est pas là-dedans. Vous obéissez à cela, vous allez semer dans du sable, le riz. Ça ne donnera pas dans le sable. Vous ne pouvez pas prendre le riz ou semer dans le sable qu'on a mis le ciment là-dedans. Ça ne donnera pas. Je ne sais pas si vous comprenez. vous devez s'aimer à la manière de Dieu. Et pour que vous serez à la manière de Dieu, il faut qu'on vous enseigne comment Dieu veut que vous fassiez. D'accord? Il faut que ce soit l'objet d'un enseignement profond. Amen. Des questions? Donc, ce qu'on appelle les gadgets spirituels, c'est puisque c'est ça qui est utilisé. Donc, les supports là. Tu as lu ta Bible pour le Nouveau Testament, frère? Si, si, j'avoue. Tu as lu dans la Bible? Non, non, ça. Ok, autre question. Oui. Oui, je voudrais savoir des choses par rapport aux nuits de prière, si c'est vraiment autorisé. Les nuits de prière, il y en a des veilles. Si vous voulez passer des nuits de prière, la nuit, la Bible dit qu'il est constamment dans les veilles, les jeûnes. Il y en a, il a mis au sens pluriel. Donc, jeûner beaucoup plus, prier beaucoup plus dans les nuits. Mais pour te dire, oui. Quand je comprends bien, comme dans le livre de Jésus, il parle de nos entreprises. Il dit que même notre église, c'est notre entreprise. C'est l'église de qui déjà? L'église de Dieu. Donc c'est ton entreprise ou son entreprise? Notre entreprise, c'est-à-dire quand nous sommes ensemble, nous entreprenons. Vous allez me dire aussi, c'est l'église de Dieu. A-t-il appelé un synonyme de businessman à l'intérieur? Non. Donc ça règle le problème. C'est son affaire. Il gère comme il veut. Oui. Comme on a ordonné. Si quelqu'un en avait, il va respecter ses règles. Oui. Il a un Timothée 3, verset 15. Afin qu'il tarde, sur sa femme, comment s'est comporté dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il y a un comportement, un style de vie, une façon de faire qui doit être conforme à la saine doctrine. Amen. Ça doit être comme ça. Ce n'est pas nous qui fixons des règles. D'accord? Amen. Question? On n'a pas répondu s'il y aura la louange au milieu des frères. Oui. Ah, oui. Oui, oui. On te dit, je voudrais savoir comment vous aviez fait pour savoir que vous êtes appelé de Dieu. Ça, c'est, il m'a douté à cette question. J'attendais cette question si depuis personne ne voulait poser. Ça va? Oui, et des signes. Et des signes. Bon, répondre à la question, ça va répondre sur comment connaître son appel. Il y a aussi un enseignement là-dessus. D'accord? Je vais donner un bref résumé de ma part. Maintenant, et puis je vais aller dans la Bible. Je vais aller depuis la Bible avant d'arriver sur moi. 1 Corinthiens 14. C'est que, on va lire, c'est tout dans 1 Corinthiens 14, ça se trouve dans Colossiens chapitre 3, parce que je vous ai demandé de noter aujourd'hui. Dans Colossiens chapitre 3, les versets 16 et 17. Ça se trouve dans Colossiens chapitre 3, versets 16 et 17. Vous voyez, vous prenez 1 Corinthiens 14. Donc, si vous allez les noter, vous pouvez, ce que je vous ai dit, vous pouvez noter cela dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19. 1 Corinthiens 14, je vais vous donner le verset bientôt. Donc, je dis, ce qu'il veut lire là, ça se trouve, il veut citer dans les différents versets où ça se trouve. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 15, 16 et 17, ça se trouve la même chose là-bas. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19, ça se trouve encore là-bas. Mais on va lire 1 Corinthiens 14, lisons le verset 26. 1 Corinthiens chapitre 14, en verset 26. Que faire, frère, lorsque vous vous assemblez? Quelqu'un parmi vous a-t-il... Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une interprétation, que tout se passe pour l'édification. Amen. Alors, vous avez vu, donc chacun peut proposer le cantique qui lui vient à cœur. C'est notre père des manches. Le ministère des louanges au milieu de l'église, c'est un problème. Des choristes. Bon, c'est notre problème. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on peut copier quelque part sans s'en rendre compte. Vous avez remarqué que chez à l'église protestante, les choristes sont habillés en blanc ou noir. Mm-hmm. Vous allez chez Pentecôtiste, il y a aussi un groupe comme ça. D'autres encore, ils ont des grandes tenues qui changent de temps en temps. L'assemblée s'assoit, ils attendent que le choir conduit des corses, les cantiques. On chante ou chante au rythme là-bas. On dit que fait frère, quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique, n'est-ce pas, il me tient ici pour poser des questions selon que vous voyez. Mmh. C'est pas ce qui est écrit. Mmh. Jésus lui-même prêchait du meilleur pour poser la question. Voici, j'ai un problème de division avec mon frère, dis-lui qui donne ma part de fort. Il dit, mon ami, qui m'a envoyé pour prêcher votre poste, c'est votre problème là-bas. Il répond à le milieu, on pose la question, il répond. Il dit que mec, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle, que tu connais ce qui est dedans. On pose la question, il répond. Mais l'enseignement est devenu inutile. On vous prêche, on vous sermonne. Imaginez que j'avais prêché, je suis sorti ici par. C'est que ma soeur m'a dit que j'ai prêché que dimanche c'est le jour du repos. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Alors que ce n'est pas ce qu'il veut dire. Alors que je suis en train de vouloir amener quelqu'un à comprendre que ce n'est pas ça. Mais lui, il comprend. Quand je me débrouille à dire que ce n'est pas ça, c'est ça qu'il comprend. Il y a un prédicateur qui était allé dans une brousse pour aller prêcher l'évangile. C'est une brousse où les gens ont mangé les gens. Donc c'est le cannibale. Le soir, il était autour du feu. Il a dit, je vais vous expliquer l'histoire de quelqu'un. On dit, ah, l'histoire. Ils étaient attentifs à l'histoire. Il a pris l'histoire de Judas. Il dit, Judas Iscariote. Il dit, Judas Iscariote, c'est un homme qui était pas, comme s'il était simple. Le Seigneur Jésus est venu le choisir. Il est entré parmi eux. Mais les disciples ne savaient pas que c'était un taux. C'est lui qui finalement a trahi Jésus. Et il a pris la crucifix, il a pris l'argent. Les gens ont applaudi, pa. Il était surpris, il dit, hein. Il dit que mince, les gens étaient compris, il dit que non, les gens s'est cassé l'os comme ça, pam, que mais Judas était un être intéressant à imiter. Il a dit non, c'est pas Judas qui voulait le présenter, il voulait le présenter le sacrifice. Il dit non, laisse, Judas si, non, il faut être intelligent comme Judas. Comment il a pu faire pour entrer, parce qu'il a trompé tous les disciples. Même le maître, on dit que non, c'est que c'est une personne, le gars là, il faut qu'il nous enseigne sa tête, sa technique. Comme ça, s'ils peuvent entrer dans une tribu, ils font le geste pour qu'on ne voit pas, pour attraper les gens là-bas, pour vous tuer aussi, comme Judas a tué. Or, quand ils prenaient cela à la théologie, on a dit qu'aborder l'évangile comme ça pour amener les soucis. Quand vous amenez à l'évangile avec la théologie, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous allez rencontrer ces choses aussi. Vous devez ouvrir la bouche comme ça et laisser le Saint-Esprit parler ce qu'il a décidé de parler pour ce peuple-là. Vous commencez à dire que non, quand on veut abandonner l'évangile, il faut leur faire comprendre les quatre lois spirituelles. Ils comprennent ça fait qu'ils soient sauvés. Mm-hmm. Satan connaît toutes les lois. Tout. Il connaît manipuler les ouragans. Amen. Tu peux avancer. Tu peux avancer, frère. Je crois qu'en réalité, j'ai même fini. Mais maintenant, supposons maintenant, prenons le cas de l'appel. Tu es chrétien, frère. Vous allez voir, il y a des échantillons. Tu es chrétien? Oui, on peut dire. Comment tu sais que tu es chrétien? Parce que j'écoute la parole de Dieu, je la mets en pratique. Donc, tu es chrétien? Oui. Donc, si les oiseaux, tu as entendu parler qu'un oiseau a péché? Non. Donc, ils sont chrétiens? Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, ça se trouve que tu fais ce que Dieu dit que tu dois faire. Les oiseaux font autant, pas vrai? Oui. Ils sont des chrétiens. Non. Donc il faut redéfinir chrétien. La nature fait la volonté de Dieu. Voilà. Est-ce que la nature est chrétienne? Donc je repose encore ma question. Est-ce que tu es chrétien, frère? Qui est dans l'eau? Le chrétien. C'est le test ici. Ces choses, vous devez avoir à répondre ces questions sur vous-même dans vos méditations. Parce que celle-ci dit que Josué 1:8 dit que ce livre de la loi est selon pour ta bouche. Mais dit le jour est nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est là alors que tu prospéreras, que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc ce que tu vas décider de faire, n'importe comment, ça pourra réussir. Dieu promet que ça va réussir. Mais l'église de Dieu, ce n'est pas toi qui entreprends n'importe quoi. Il parle dans ta vie quotidienne. Dieu sera avec toi pour t'aider dans tes difficultés. Mais dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus qui distribue des rôles et qui demande ce qu'on doit faire. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dès le départ quand on voyait dans la première partie. On a dit que l'église est soumise à Christ. Donc l'église reçoit les ordres de Christ comme la femme doit recevoir l'ordre de son mari. L'église n'a rien à donner comme injonction à Christ. Donc je dis, les gens lèvent les petits doigts de montrer que si tu ne me donnes pas, réponds pas ce soir, je vais aller pécher. Tu vas pécher, ça enlève Dieu devant Dieu. Les appels et les dons sont prédestinés. Il y a un enseignement en 5 parties que je vous ai mis là-dedans. Le don, le titre c'est don et appel. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, cinquième partie. D'accord? Les dons et les appels. C'est prédestiné. Quand quelqu'un naît pour faire quelque chose, il doit être là à cette époque pour faire cette chose. D'accord? Mais voici la chose. Aucun appel biblique ne se ressemble à l'autre. Je veux que vous, quand il parle de Dieu une seconde, c'est pour que votre esprit balaye un peu la Bible. Vous allez voir que personne n'a jamais été appelé de la même façon. Personne n'a jamais été appelé pour faire le même travail. Personne. Chacun avait une tâche spécifique, mais qui converge vers le même but, l'avancement du royaume de Dieu. Personne. Alors si je vous donne mon témoignage, ça sera mon témoignage, ça ne sera pas votre témoignage. Vous ne pouvez pas faire, Dieu ne peut pas faire ou comme ça. Il n'y a plus personne qui sera appelé de cette façon-ci. C'est à Jérémie qu'il a dit avant qu'il ne soit dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Il était enfant, il a envoyé enfant. Il lui a demandé de ne pas se marier. À Ézéchiel, il a dit que ta femme va mourir. Quand il va mourir, ne tente pas de pleurer. Vous entendez ça, j'ai des frères, c'est ce que j'allais dire comme ça. Toi, on te dit ça, tu vas dire que non, Dieu, je te crois en toi, laisse comme ça. Hein, frère? Donc il dit que donc comme ça là sur un truc, sur le côté de ta main, je vais mettre d'accord sur toi, tu vas manger le caca des bœufs. Il mange le caca des bœufs pendant plus d'un an. C'est ça qu'il s'est nourrissé avec. Si tu appelles comme ça, le Saint-Esprit te dit maintenant que mange le caca, tu vas dire que je te rejette au nom de Jésus. C'est pas ça. Hein? Mais c'est comme ça qu'il a été appelé. En Moïse, il a permis que Moïse passe 40 années dans la magie. Avant de sortir maintenant pour venir là-bas confronter les magiciens. 40 années. Et sans vous me saisissez. À Pierre, il a attendu que Pierre reste comme ça là dans le poisson jusqu'à ce qu'il sentait seulement le poisson. C'est là où il est venu le trouver. À Lévi, il a attendu qu'il compte l'argent, il vole, il met, il compte, il va, il dit, lève-toi sur à ce moment pour qu'il soit comptable dans le groupe. Je ne sais pas si vous comprenez. À la fois, il a dit que va apprendre ton pharisanisme. Cherche la nationalité romaine, il n'y a pas de problème. Je vais me servir de ça plus tard pour t'envoyer à Rome. Alléluia. Amen. Tu comprends? Alors c'est ça qu'il a dit que vous connaissez quelle était ma foi. Comment je connaissais cette loi donc? En allant attaquer les pharisiens, vous pouvez savoir à qui ça s'attaque. On a pris un jour au milieu de l'Assemblée, la Bible déclare au chapitre 26 des Actes. Il dit que sachant que l'assemblée était composée des sadducéens et des pharisiens, il connaissait que si je jette telle chose, ça va créer des os. Il dit que c'est pour la résurrection que je suis mis en chaîne. Les pharisiens disent que merde, c'est pour la résurrection, c'est celui qui n'a pas encore quitté notre milieu. Il connaissait seulement parce qu'ils disent la résurrection, mais ils ne parlent pas la raison de la même façon. Donc, quand ils s'entretiennent là-bas, est-ce qu'il était encore sur ça? Voilà. Donc, l'appel qu'il avait, c'était différent. Il devait confronter les intellectuels, les rois. Il y a des façons de s'adresser à eux. D'accord, frère? Alors mon appel, ce n'est pas comme ça. Mon appel depuis l'enfance, je savais que j'étais appelé. Amen. D'accord, frère? Il y a un jour, je me souviens, ce jour-là, il n'oublierai pas ce jour, quand j'étais en classe de 4e en 1998, quand un événement s'est passé et je voulais me suicider. J'étais fâché parce que j'aimais trop l'école. J'habitais avec une tante et quand j'étais allé de travailler à l'école, bon, quand je rentre de l'école, je lis toujours, je travaille. Et puis elle vient un jour, elle est sortie. Dans la nuit, elle venait éteindre la lumière parce qu'elle allait dormir, j'étais en train d'apprendre. Elle se lève à 4h, je suis en train d'apprendre, je suis sur la table. La nourriture était là, je ne mangeais pas, la nourriture était gâtée. Elle éteint la lumière, dit, tu veux apprendre où ça allait enlever bien sur la chaise. Cette parole m'a toujours secoué. Que tu veux apprendre jusqu'à aller enlever bien sur la chaise. C'est pour dire qu'arrête l'école comme ça. Quand elle allait dormir, je n'ai pas dormi, je suis allé dehors comme ça. Parce que c'est une de mes tantes. Mon papa est mort quand je suis né. Alors, la pensée s'y est venue. Si j'avais mon père, ça ne serait pas arrivé comme ça. J'ai commencé à. Vous savez, vous pouvez avoir ces méditations. Quand vous voulez chez quelqu'un, quand vous menace, vous avez cette pensée-là toujours. Oui. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Alors j'ai dit, c'est mieux que je ne vive pas. À l'instant où j'ai dit ça. Donc, quand il parle de suicide ici, une voix a dit, tourne-toi. Je me suis tourné dans le ciel, j'ai vu trois étoiles se positionner. Il a dit, tu es sur la terre pour une mission. Et tant que ces étoiles seront positionnées, tu seras sur la terre. Le suicide a disparu là. Ça, c'est le premier départ. Comment? L'étoile était positionnée. Même maintenant, chaque fois quand je vais le voir, il est là. Oui, c'est trois étoiles positionnées. D'une certaine façon. Là, dit, tu es sur la terre pour une mission. Tu ne quitteras que quand ceci quittera. D'accord? Donc, c'est le premier contact. Il y a l'appel. Les dons et les appels sont prédestinés. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous devez aller au ciel pour savoir ce qui se passe. Quand vous entendez le démon dire, je sais qui est Paul. Vous pensez qu'il connaît Paul parce qu'on est né dans le monde. Vous pensez qu'il connaît Paul parce qu'il est né. Ils savent ce qui s'est passé dans sa désignation. Quand Jésus est venu, je sais qui tu es. Tu es le fils de Dieu. Tu es venu pour nous perdre. Il connaît l'ordre de mission du Seigneur Jésus. Le démon. Alors un jour on était dans une maison où il y avait les marabouts qui sont venus pour travailler dans cette maison. Là on était petits enfants. Il y a une là qui avait les yeux comme ça. Les gens qui regardent, c'est l'autre qui regarde. Quand tu regardes, tu ne sais pas si c'est toi qui regardes ou elle regarde par là-bas. Quand tu pars par là-bas, tes yeux, ses yeux te regardent. Tu es par là-bas, ça te regarde. Oui, c'est tout. Ouais, tes yeux étaient comme ça là. Celle-là, elle a regardé comme ça, elle a dit que. Elle a dit, mine. Tu vois l'autre là. L'autre dit que. Elle dit, hum. Elle dit c'est quoi? Elle dit que, souvenez-vous, vous pouvez comprendre maintenant, vous qui êtes les anglophones, elle dit que that one na three corner. Dawana tricona. Maintenant, je ne vais pas vous donner l'interprétation. Non, c'est ton. Non, tu peux interpréter pour toi, il n'y a pas de problème. Je dis ce qu'elle a. Elle a dit. Les gens là ont dit à la pointe aux gens que ces gens sont les serviteurs du Dieu très, très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ne me demande pas que ça veut dire quoi. La pointe n'a pas voulu comprendre ce que ça voulait dire. On lui a quand même dit ça. Amen. Donc, il y a des choses jusqu'à l'appel à ce que l'heure est arrivée. L'heure qu'on a fait, c'est pourquoi j'étais appelé. Maintenant, tu as eu la difficulté de même à savoir si tu es chrétien. Donc, il y a un problème. Peut-être que tu as accoutumé avec la Bible sans être chrétien selon la Bible. C'est une probabilité, n'est-ce pas? Donc, alors, ça veut dire qu'il faut que tu regardes dans la Bible comment est-ce qu'on devient chrétien. Il y a un enseignement là-bas que j'ai mis. Le titre, c'est quand vous voulez suivre la caractère là, faites attention que vous mangez d'abord. Vous soyez prêt à suivre ce qui est là. Quand vous allez le voir, le titre, comment es-tu devenu chrétien? On a abordé cet enseignement là, réfléchissez deux fois. Parce qu'il faut que vous suivez, ça vous tapez votre ordinateur ou quoi que c'est moi qui s'en ai pas, que c'est l'ordinateur qui allait parler. Donc avant de suivre, priez. Dites Seigneur, je suis ça ou je ne suis pas. Si ton cœur est en paix, si ça n'est pas en cœur, laissez ça tranquille. Parce que si vous entendez déjà, vous ne pouvez pas sortir indemne. Donc le titre c'est comment es-tu devenu chrétien? L'autre enseignement, le titre c'est le Saint-Esprit de Dieu habite-t-il en toi? Voilà les enseignements que j'ai mis là-bas. Puis il y a cinq parties sur les dons et les appels. Dons et appels, première partie, deuxième partie, troisième partie. Ce sont des choses qu'on n'écoute pas à la hâte. On écoute doucement avec la Bible. D'accord? Et donc, si vous êtes chrétien, la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il dit comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons, le don qu'il a reçu. Donc, si tu es du Seigneur, tu dois avoir reçu les dons. Et dans Ephésiens chapitre 2, verset 20, verset 10, la Bible déclare car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a quelque chose en réserve pour les enfants du Seigneur. Et l'apôtre Paul prie dans le chapitre 3 des Ephésiens, qui prie qu'on comprenne avec tous les saints, les richesses, les profondeurs et autres, là, de ces choses-là, qui réservent aux saints. Donc, on a une place et un rôle à jouer. Et par conséquent, il faut qu'on prie devant le Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit, Seigneur, que veux-tu que j'ai une face? Restez devant lui, c'est ce qui vous montre cela. D'accord. Alors lorsqu'il a dit, lorsque l'appel devait commencer, la mise en fonction devait commencer, il m'a dit, va Genèse 7 jours, je vais te parler. Je suis entré dans le jeûne de 7 jours, je me suis mis là-bas. Alors qu'il priait, il a dit, lis un certain livre. J'ai commencé à lire, ça devait dire, te voici. Et Dieu si est terrible. Au moins, 7 personnes m'ont déjà dit en même temps. Quand il reste comme ça, il dit, Dieu m'a dit, te donne tel verset. Quand il donne, je regarde, il dit à mon enfant, regarde, c'est le verset que Dieu avait donné, que c'est ça. Ils sont seulement là pour confirmer. Une personne m'avait appelé, même depuis le Burkina Faso, quand quelque chose des événements devait arriver, pour dire, en disant, il a cité toujours le même verset. J'ai lu, quand il lisait le livre, si j'arrivais là-bas, j'ai traversé, bon, à partir de cet instant-là, je ne pouvais être tranquille. Donc là, j'ai traversé, il a dit, n'as-tu pas vu? Il dit, quoi? Il dit, que ici. Je suis resté sur ce verset-là, j'ai pris toutes les versions, vous savez, c'est quelque chose que vous lisez normalement, vous prêchez. Lorsque le moment arrive, quand c'est le moment de Saint-Esprit, c'est son moment. J'ai pris toutes les versions de la Bible pour lire le passage qu'il lisait chaque fois. Alors, j'ai dit ça par ma femme car en réalité le ministère n'a même pas encore commencé. Parce que ça change de phase chaque fois. Là, voilà. Ça change de phase chaque fois. Il revient, il voit le verset, il dit, mais aujourd'hui, ça dit encore quelque chose de double. C'est pas quoi ça a changé, hein? C'est la même chose. C'est écrit là où vous voyez que ça ne prend une autre tournure. Vous lisez aujourd'hui, ça ne prend une autre tournure. Parce que le verset est destiné à dire quelque chose. D'accord, frère? Donc, c'est pour moi, c'est ce qui me concerne. Je suis dans la Bible. Vous fuyez, vous allez me rencontrer dans votre Bible. Vous fuyez, vous me fuyez physiquement. Vous allez dans la Bible, je suis couché à l'intérieur. Je suis couché dans votre Bible. Photocopier n'importe comment, vous allez photocopier, une photocopie, vous allez me photocopier. Je suis dedans. Amen. Amen. 17h dans 10 minutes. On peut prier. Y a-t-il encore quelque chose? Oui. La délivrance. Ok. Donc, comment être délivré des. C'est la question qui était en suspens. Comment être délivré de cet hôtel de suspens? Si vous voulez être délivré, ça veut dire que vous avez un pas déjà pour la délivrance. La question maintenant, c'est que si vous me dites, j'ai besoin de la délivrance, je vais vous dire qui vous a dit que vous avez besoin de la délivrance. Il faut que vous dites d'abord. On ne dit pas qu'il vient à la délivrance pour vous délivrer. Il ne s'agit pas que quelqu'un te dit qu'il y a free pour être free. You must be free from quelque chose. Vous devez être délivré de quelque chose. Et pour cela, il faut que le Saint-Esprit doive la chose. Quand le Saint-Esprit doive la chose, ça veut dire que la solution est derrière. La Bible déclare que les gens doivent être envoyés par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit fait un travail en amont et en aval. Si le prédicateur, celui-ci est assis ici, vous savez qu'il y avait des problèmes, vous? Il dit, vous qui êtes, vous saviez qu'il avait ces problèmes-là? Non, non. Le pasteur, toi tu savais qu'il avait des problèmes? Je oui. Savais quand même qu'il a un problème de retard. Oui. Et j'avais l'habitude de dire que, mais en vrai, c'est comme si quand on parlait, tu es absent. Oui. J'ai constaté que tu n'as pas l'air comme tu oui. étais présent. Donne un peu à maman voir. Tout simplement. Yes. I live to a pastor. Yes. I say, this one. I say, I think that back is. You have to yes. So you told your husband that that your son has some problem. Yes. Because when I knew him, he wasn't how he was now. Yes. He did not understand. So for this moment, the problem is disturbing him. Yes. Because he has no job. Yes. And he's very faithful in church. Yes. Yes. Thank you. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient et dit telle personne a tel problème, il est assis là, ce n'est pas écrit sur lui physiquement qu'il y a tel problème. Le problème vient dans ces choses-là. Et là, il a quelque chose autour, au cours de son village justement qui est en train de l'appeler. Là maintenant, ça veut dire qu'il peut être délivré. D'accord? Ça veut dire qu'il peut être délivré. Parce que le Saint-Esprit a dénoncé que ton problème c'est ceci. Et il dit, voici la chaleur qui est venue sur lui. Quelque chose est venu. Parce qu'il y a quelque chose, un hôtel qu'on n'entretient plus. Amen. Amen. Déposons la Bible, on va prier. Ce n'est pas un homme qui délivre, c'est le Saint-Esprit qui doit délivrer. Si le Seigneur ne délivre, personne ne peut délivrer. Le plus grand de tout ce qu'on a entendu ici, aujourd'hui, c'est que Dieu a dit à l'Église de la Lucie que nous avons besoin de repentance. Qu'on doit avoir du zèle pour se repentir. Et là donc, je nous invite promptement. Tout ce que nous avons suivi, si nous avons vu que nous sommes fautifs devant le Seigneur, c'est tout naturel que nous devons nous prosterner pour demander pardon à Dieu. Chacun pour sa part, demandons pardon à Dieu et arrêtons de faire ce que nous faisons, d'accord, bien-aimés? Mettons-nous à genoux tout simplement, demandons pardon à Dieu pour nos mauvaises vies, nos mauvaises voies, la façon dont nous avons toujours agi. Et que le Seigneur nous pardonne. Amen. Bon, nous bénissons le Seigneur. Amen. Et je pense que le Seigneur nous a rendu une grande grâce. Amen. Que toutes nos questions puissent être répondues. Amen. Vous savez, la vérité. La vérité. Quand une sentinelle est dressée dans un camp, la sentinelle est parfois plus en danger que ce qui se trouve à l'intérieur du camp, de par sa position. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, c'est de notre responsabilité de prier pour les autorités. Amen. Moi, je suis convaincu que le voyage ne fait que commencer. Amen. Amen. Amen. Le Seigneur a beaucoup à faire avec lui. Alléluia. Et pour cela, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur l'utilise puissamment pour amener son peuple de la voie du mensonge. Amen. Vous savez, pour avoir été dans ce milieu plusieurs fois à la communion même des hommes de Dieu de Bonaberry et tout le reste, je connais un peu l'état d'âme de certaines personnes. Il y en a qui sont dans l'erreur, en toute sincérité, de par la formation, les origines. Mais si vous voyez, le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui de comprendre que tout a été faussé depuis la racine. Il faudrait que nous fassions attention. Alléluia. Et je pense que le Seigneur est en train de préparer son retour. Amen. Il prépare son retour. Et pour cela, il a suscité des vases qu'il envoie au-devant de lui pour préparer ce retour. Amen. Donc je pense que nous allons prier pour lui. Que le Seigneur continue à l'affermir. Amen. Le Seigneur continue à l'équiper. Le Seigneur continue à l'utiliser. Comme lui-même il a dit dans la mission, jusqu'à ce que il est accompli toutes les choses. Amen. Avant que ces étoiles vont disparaître. Alléluia. Prions pour le frère Junior, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons et nous te glorifions pour ton serviteur. Merci Seigneur de ta miséricorde au Seigneur dans sa vie. Merci Seigneur pour la paix. Merci Seigneur pour l'esprit que tu lui as accordé. Merci pour la vérité. Merci Seigneur pour la sincérité que tu lui as donné, ô Seigneur. Merci pour l'intégrité. Nous te bénissons et nous te glorifions. Merci pour la grâce que tu lui as donné, ô Seigneur, de proclamer toute la vérité, ô Seigneur, sans détour, ni exception de personne, que toute la gloire te revienne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions, Père, que tu prennes le contrôle de lui. Seigneur, que toute la mission que tu lui as confiée, Seigneur, qu'il puisse l'accomplir au Seigneur par la vertu du Saint-Esprit, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue au Seigneur à l'utiliser au Seigneur pour ouvrir les yeux au Seigneur aux aveugles, ou pour ouvrir au Seigneur l'entendement à tous ceux qui sont retenus captifs au Seigneur dans le mensonge. Merci Seigneur de le faire également pour eux, comme tu l'as fait pour nous en ce jour, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Père, que tu continues au Seigneur à nous accorder la grâce de grandir et au Seigneur dans la vérité au travers de son entremise, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de continuer à bâtir ton serviteur, continuer à l'équiper, continuer à pourvoir à tous ses besoins. Prends soin au Seigneur de son épouse, prends soin de sa famille, prends soin de son ministère, que toutes choses soient sous ton contrôle parfait, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Accorde au Seigneur, au peuple, la repentance par la prédication de ton serviteur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de continuer à sanctifier ton peuple par ta parole qui sortira de lui, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce. Amen. Que une telle rencontre soit encore. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Vous savez, tout est grâce. C'est l'élection de Dieu. Amen. Amen. Ces choses, on ne pouvait pas les programmer. Dieu décide de faire miséricorde. Alléluia. Yeah. Le corps de l'homme forme des projets, mais la réponse appartient. Tu peux programmer une chose, soit telle bonne, et soit telle même pour Dieu. Mais il faut encore la réponse de Dieu. Amen. Donc nous allons prier que le Seigneur nous fasse encore grâce. Alléluia. Parce que moi je pense que dans cette première session où nous avons terminé avec nos questions, personnellement je souhaiterais que nous ayons des enseignements. Amen. Amen. Parce que je pense que nous avons vidé le sang de nos premières questions là qui nous étouffaient. Là, là, là, là. Amen. Amen. Maintenant, je pense que une autre phase peut suivre où l'homme de Dieu va préparer un enseignement qui va venir nous exposer. Amen. Amen. Quelle que soit la forme. Amen. Amen. Que ce soit en direct, par l'entremise des appareils ou quoi. Amen. Amen. Mais je pense que il faut que une autre phase d'enseignement soit. Amen. Amen. Oui, là, parce que toutes les premières questions qui nous brûlaient dans le cœur, je pense que le Seigneur nous a répondu. Amen. Amen. Maintenant, il va falloir que nous grandissions dans ces choses que nous venons de connaître. Amen. Amen. Amen. Je pense que c'est très important. Amen. Moi, je ne compte pas m'arrêter ici, parce que je ne tiens pas à aller parler à quelqu'un et sans maîtriser très bien de quoi je parle. Alléluia. Amen. Oui, parce que quand tu maîtrises, quand tu connais la vérité, il faut être capable de l'expliquer clairement. Amen. Et ceci passe par une bonne formation, à mon point de vue. Amen. Ce n'est pas dit que je sous-estime la compétence du Saint-Esprit. Non. Amen. Mais je sais que le Saint-Esprit est formateur. Alléluia. Yeah. Le Saint-Esprit, comme le Seigneur Jésus a dit, va lui-même nous enseigner. Amen. Même s'il va passer par des êtres humains, mais il enseigne. Donc, d'où le sujet de prière. J'aimerais que nous demandions au Seigneur de renouveler sa grâce dans notre vie, en nous accordant encore des enseignements qui vont nous conduire dans la vérité de sa parole. Amen. Prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que nous puissions demander et tu vas nous donner. Seigneur, nous venons devant ton trône de grâce implorer ta grande miséricorde. Nous savons, Seigneur, que ce n'est pas par mérite, mais Seigneur, il t'a plu, ô Seigneur, de nous conduire dans la vérité. Et nous savons, ô Seigneur, que tu es le Dieu de la finition. Que ce que tu as commencé, tu vas parfaire cela en nous. Voilà pourquoi nous implorons une fois de plus ta miséricorde pour te demander, Père, de continuer à nous enseigner, continue, ô Seigneur, à nous conduire dans toute la vérité au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as dit, ô Seigneur, que tu ne désires pas la mort de celui qui périt, mais tu voulais qu'il se repente, ô Seigneur, et qu'il vive. Seigneur, ton désir est également notre volonté et nous prions, Père, que tu nous accordes la grâce, ô Seigneur, d'accomplir ce désir au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'équiper, ô Seigneur, ton serviteur de tout ce qu'il faudra à cet effet. Continue, ô Seigneur, à préparer le chemin. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Nous allons prier pour terminer pour nos frères et sœurs qui n'étaient pas là aujourd'hui. Amen. Et l'autre jour, ils étaient là. Et elles ou ils étaient là. Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de continuer à les protéger. Alléluia. Partout où l'ennemi pourrait tenter de les distraire, que le Seigneur les garde dans la voie de la vérité. Amen. Vous savez, il y a des combats côte à côte. La mort qui combat avec la vie, l'amour. Amen. Et là où la vérité apparaît, le mensonge est aussi très proche, cherchant toujours à vouloir combattre la vérité. Nous allons demander au Seigneur de les garder dans la vérité qu'ils ont reçue. Amen. Parce que nous tous, nous savons que si quelqu'un n'a pas reçu la grâce de Dieu, il ne peut pas tenir face à la vérité. Amen. Nous avons vu ce qui est arrivé à nos frères qui étaient avant nous, même les Juifs. Ils ont écouté la voix de la vérité, mais ils ont décidé de s'en détourner. Ce qui n'a pas été sans conséquence. Or, le Seigneur est clair. Si les gens n'écoutent pas, c'est pour contre eux la poussière de vos pieds et allez-vous-en. Et là, vous voyez que l'ennemi peut encore agir pour que nos frères et sœurs n'écoutent pas. Ce n'est pas notre volonté. Nous avons prié que le Seigneur intervienne dans leur vie, afin que si ce n'est force des ténèbres qui les empêche d'écouter la vérité, que le Seigneur les en délivre au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous élevons ton peuple au Seigneur qui était avec nous et qui n'était pas là ce jour au Seigneur. Tous ceux, ô Papa, qui ont écouté la première partie au Seigneur de ce séminaire, Père, nous prions que tu prennes le contrôle au Seigneur de l'air. Seigneur, que toute manipulation de l'ennemi dans le but de les détourner la vérité au Seigneur contre eux soit détruite au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Accorde-leur la grâce au Seigneur de revenir sur le chemin de la justice, de revenir dans la vérité, afin de vivre pour l'éternité au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de les garder en ton nom. Continue au Seigneur à pourvoir leurs besoins au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.